et dans l'immédiat, bulle de rêve. これから 30分、 あなたは失われた永遠を取り戻すためにこの不思議な世界の扉を開くのです。 Le cœur des gens, n'aspirant qu'à la paix, il est soudainement apparu et tranquillement il s'est dirigé vers le nord. Pendant les 30 prochaines minutes, vous allez, afin de retrouver cette éternité perdue, ouvrir les portes d'un monde mystérieux. Voilà, c'était ce qui nous accueillait. C'est bien sûr Bulle de Rêve. Et ce que vous avez entendu, c'est le générique d'une série qui s'appelle Neo Ultra Q, qui est une série qu'on voit, hein, monsieur, vous pouvez pas voir, on a la radio, à Eiji Tsuburaya, qui est tout simplement le monsieur qui a créé Godzilla, vous savez, dans son monstre, voilà, le grand monstre et tout. Et c'est une super série. Alors la série, la première, c'était Ultra Q, qui était dans les années 66-67, une espèce d'X-Files. Allez, on va dire plutôt Outer Limits et Twilight Zone pour ceux qui connaissent. Malheureusement, comme c'était la grande mode de Godzilla, justement, en fait, Tsuburaya voulait pas forcément qu'il y ait plein de monstres. On lui a dit non, si, faut que tu rajoutes. Donc, allez, chaque épisode, faut vraiment aimer les kaiju. Si vous aimez pas, ça sert à rien. Chaque épisode, on a droit à des monstres assez étonnants. Le tout est sorti en DVD aux États-Unis. Vous avez des taupes géantes, vous avez des araignées. Enfin voilà, c'est assez grandiose. Mais ensuite, il y a Neo Ultra Q. Alors Ultra, c'est Ultraman, hein, c'est la même chose. Neo Ultra Q, c'est assez incroyable. C'est une série de 2013 et 12 épisodes. Et le premier épisode est un épisode absolument étonnant. Vous avez entendu juste au début où en fait c'est un monstre qui sort de terre et c'est en fait une espèce d'arbre gigantesque qui traverse la ville sans rien faire. Il traverse. En fait, il va aller dans une forêt pour mourir. Et à côté, il y a à la fois des gens qui détestent les monstres parce qu'ils ont tué des gens et évidemment voilà des Godzilla etc, donc ils veulent absolument tuer ce monstre, et d'autres qui disent mais non, les monstres sont gentils. Et c'est assez étonnant, c'est une espèce de presque de fable sur la nature et la nature par rapport à l'homme. Donc voilà, malheureusement il y en a que trois épisodes seulement sont sortis en torrent, en téléchargement, et les autres malheureusement sont non sous-titrés. C'est une super série, voilà, je vous la conseille. Et ben voilà, c'était déjà le début de Bulle de Rêve, qui n'a rien à voir avec l'animation, mais c'est ça qui est bien. Et comme on a retrouvé Nicolas, qui est reparti un tout petit peu, qu'on va retrouver, je vais lui demander de mettre, je vais jongler évidemment, le deuxième petit extrait, qui est juste après, qui doit durer, allez, 45 secondes, on écoute et on revient, et je vous présente qui est autour de la table. My name is Maisie Williams. I turn 18 on the 15th of April. That means I can vote in next month's elections. So can 3.3 million of you. But you know what? I'm not going to tell you what to do. People have been telling you what to do all your lives. They think you're a self-obsessed, selfie stick-waving generation. They've counted on that. They've kicked your future in the teeth and hoped you wouldn't notice. But I can smell which way the wind is blowing. I don't need to tell any of you what to do. I just have one question. Who's next? Et donc voilà, c'était Maisie Williams. Maisie Williams, on la connaît un peu plus pour jouer Arya dans Games of Thrones. C'était une petite vidéo qui est sortie début avril par rapport aux élections en Angleterre. Et elle allait avoir 18 ans, donc elle pouvait voter. Et elle raconte en effet que cette jeune génération, on essaye de dire absolument qu'elle est, elle ne pense qu'à une chose, c'est à faire des selfies et à ne pas du tout parler politique. Et disait, mais non, c'est pas vrai. Je pense qu'on est une génération qui peut parler politique. Alors, l'émission que je vais faire aujourd'hui, je pense qu'il y en a certains, et je les ai en tête, qui vont se dire... vraiment, ça m'étonne pas, lui, il fait parler soi-disant les jeunes, il est comme ça, il est prof, comme ça, il va être bien aimé après, etc. Et non, c'est pas pour faire de l'angélisme, c'est pas pour dire, c'est que lors des dernières émissions, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant, justement, de donner la parole sans dire que tous les gens qui sont autour de ma table, et il y a beaucoup de gens, ont forcément raison, mais en tout cas, c'est d'avoir leur voix et de comprendre un tout petit peu aussi. Voilà ce qu'on donne et ce qu'on va amener au monde de l'animation qui est en train d'énormément bouger, de se modifier. Les études maintenant se font sur 5-6 ans et non pas par envie, mais comme certains autour de la table, mais par obligation parce que de toute façon, voilà, toutes les écoles font ça sur 5-6 ans. Je vous rappelle que chacun de beaucoup de ces écoles sont à peu près à 6 000 pour les moins chers, jusqu'à 8 000, 9 000 euros. Vous vous rendez compte évidemment à quel point, quand vous sortez de ces écoles-là, ben, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Alors, surtout quand, comme certains d'entre vous ici, je vais vous les présenter, ben, ont été à Paris. On sait bien que ça coûte cher aussi d'être à Paris. Donc voilà, donc vous voyez, est-ce qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire quand on sort d'une école alors qu'on vient de dépenser 45 000 euros pendant 4-5 ans? Ou est-ce qu'on est obligé évidemment de choisir le boulot qu'on nous propose? Tout ça, on va essayer d'y réfléchir avec plusieurs personnes autour de la table. Ça va être un peu une espèce de discussion. Je voudrais pas trop que ça soit... Voilà, j'ai quelques questions, mais j'aimerais bien qu'on discute. Et alors, j'ai envoyé plein de mails, beaucoup des gens qui sont autour de la table, sauf une, sauf deux. Je les ai eus en élève. Donc en fait, j'aurais voulu évidemment, et j'avais envoyé des messages pour des gens, pour avoir des gens que je n'ai pas eu comme élèves, pour avoir un peu une autre diversité. Personne n'a répondu parce que. Allez, vous le savez, j'ai envoyé les mails mercredi soir pour aujourd'hui, donc forcément, je comprends. Mais j'essaierai de faire une émission en juillet et voilà, et j'espère qu'il y aura d'autres personnes autour de la table, même pour se baser sur ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, nous avons donc autour de la table, on va commencer par presque le vétéran, Clément de Ruyter. Bonjour Clément. Bonjour. Voilà, faut juste dire bonjour pour l'instant, c'est simple. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de micros, on est beaucoup, mais vous allez voir. Je vais vous les présenter parce que l'idée est vraiment de rentrer dans le vif du sujet, donc on va faire ça rapidement. Clément de Ruyter, il a fait les SAT, le DMA, et ensuite il est parti au Gobelin. C'est ça. Voilà, oui. 3 ans au Gobelin, et ensuite il est sorti, il a fait en sortant de l'école Prévert. Oui, Jacques Prévert, la première saison de sortant de l'école, exactement, juste après les Gobelins, donc voilà, donc un peu le parcours, il nous dira un peu plus. J'ai des gens donc, qui sont aussi encore dans l'école, c'était aussi la volonté, qui vont sortir, Valentin Stoll, bonjour, qui lui est actuellement au Gobelin, 3e année, lui aussi a fait les SAT, et lui aussi est allé directement au Gobelin, il est en train de finir son film de 3e année, moment important. Nous avons juste à côté de lui Marie-Lou Solaire. Bonjour. Hop là, le micro tombe un peu. Qui elle a fait les SAT, et oui encore, et qui en ce moment est en 2e année de l'ENSAD. Voilà, et qui nous en parlera un petit peu plus. Et normalement, alors, on avait normalement un beau trio de gens qui venaient juste de sortir de l'ESSAT, Pierre Pecoraro, Victor Caron et Valentine Dumez, mais ils ont préféré aller, je les dénonce en plein direct, ouais, je sais, c'est pas sympa, à l'Expo Hardman, allez, on leur en voudra pas évidemment d'avoir été là-bas. On attend pas là-dessous ça, qui est autant en retard que moi, ce qui est plutôt une qualité que je comprends. voilà. Et on a à ma droite Léa Cousty. Bonjour Léa. Bonjour. Qui est, elle, en 2e année de Supinfocom Valenciennes. Je continuerai tant que à dire Supinfocom Valenciennes et non pas ces espèces de noms ridicules qu'on a donnés à ces écoles. Et invité spécial de Rémi, Emeline André. Bonjour Emeline. Bonjour. Qui est, elle, à Paris 8. Et donc Rémi. Bonjour. Et donc, malheureusement, il n'y a pas Valentine qui aurait été parfaite. Voilà, une chaise était là, mais elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. Pareil, je m'excuse auprès de Valentine, je l'ai prévenue. Pareil, non, c'est pas vrai, Valentine, je l'ai prévenue hier soir pour lui dire qu'il y avait une émission aujourd'hui. Donc voilà, je suis absolument terrible. Est-ce qu'on pourrait avoir le 3e petit extrait qui fait à peu près une minute? Ah! fallait au moins ça pour la présenter. Donc Marine Furieuse-Ablin. Bonjour Marine. Bonjour. Voilà, donc vous avez évidemment reconnu, elle tournait récemment dans Fury Road, et après avoir fait les SAT, qui a commencé à lui donner voilà, une certaine pêche, enfin une force, elle a fait l'MK, où là ça devenait aussi, fallait se battre, elle a fini par La Poudrière, où là c'était carrément les couteaux dans les dents. Et... J'ai perdu un bras. Voilà, c'est là où elle a perdu un bras. Vous savez où maintenant Furieuse a perdu un bras, La Poudrière, ça surprendra pas grand monde. Et ensuite Prévert, en sortant de l'école, la première saison, et... Une minute pour les grandes vacances, le premier épisode, une minute. Ouais. Voilà, et maintenant, elle nous parlera un peu plus d'elle. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'image, mais je vous promets que c'est elle. C'est bien Furieuse. Et bien sûr, le moment que vous attendez tous avec impatience, fébrilement, je le sais, il chausse ses lunettes. Et c'est parti, je finirai l'agenda et ouais, il va commencer. Rémi, nous t'écoutons. Ouais, L'AFCA parle. Des petites infos AFCA parce qu'il va y avoir du changement dans l'agenda. Déjà, le... Oui, c'est pour une fois, il va y avoir du changement. Il va y avoir un nouveau graphique à partir de ce mois-ci. Le nouveau logo en exclusivité, qui est beaucoup plus sérieux que l'ancien. C'est pas difficile. Et la grande différence, c'est que le mois prochain, le site de l'AFCA va changer complètement. Il y aura une section agenda, donc vous ne pourrez plus partager l'agenda PDF sur Facebook. Il faudra s'inscrire à la newsletter pour le recevoir. Wow. Ça va arriver sur le site ? Oui, il y aura une partie où on mettra au fur et à mesure les infos. Oui, le calendrier Maya qui annonçait la fin de l'apocalypse. Oui. C'était une erreur, c'est le mois prochain. L'AFCA change, voilà, le monde change. Mais le PDF reste quand même pendant 6 mois. On va faire un petit essai, on fera un sondage auprès des adhérents pour savoir si vous voulez qu'on garde le PDF après. Trop fort. Et juste aussi un petit mot pour dire qu'il y a quelqu'un qui a piraté le site de l'AFCA actuel, qu'il n'a vraiment rien à foutre de ses journées. C'est vrai ? Oui. Il y a quelqu'un qui a piraté le site de l'AFCA ? Oui, oui. Y a... Oh, génial. Oh, le mec, il a... Enfin, oulalala, ils n'ont rien compris, quoi. Je pense que c'est l'État islamique qui veut faire RAF Daesh. Ah non, bah non, justement. Justement, parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus. Ils prennent vraiment les sites importants. Non, là, ça doit être, je ne sais pas, moi, Philippe Devilliers qui n'a plus rien à faire. Et, enfin, voilà, qui essaye de faire. Enfin, quelqu'un qui n'a vraiment plus aucun, enfin, qui est complètement à la masse, quoi. Ou le SPFA, je ne sais pas s'ils sont encore à faire en froid. Ah, c'est pas con, le SPFA. Tiens, c'est les méchants. Allez, vas-y, au lieu de dire des bêtises. Encore une petite info AFCA, si vous voulez une réduction sur des livres de l'Harmattan, vous avez jusqu'en 30 juin pour écrire à contact@cellulo.net. Vous pouvez avoir des livres comme George Frisbel, peintre et cinéaste d'animation de Patrick Barrès, ou Histoire du dessin animé français de 36 à 40 de Sébastien Roffa. D'ailleurs, qu'on le remercie, est-ce que c'est grâce à lui qu'on a cette réduction ? Oui, on en avait souvent parlé. D'ailleurs, le prochain titre à sortir, ça sera en 4 volumes. C'est un livre d'un monsieur qui est très connu dans l'animation, qui s'appelle Pascal Vimnet. Et c'est l'abécédaire de la fantasmagorie qui sortira dans cette collection. Voilà, je t'en prie. Je saute un peu les festivals, il y en aura plus dans l'agenda de l'AFCA, mais je n'ai pas envie de tous en parler. La 4e édition des week-ends du CMA, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Ça a commencé jusqu'au 6 juin à Vaux-sur-Seine. J'en reparle pas plus que ça, tout le monde est déjà au courant. Mais Cécile Giraud-Babouche, on l'aime bien, donc voilà. On veut bien refaire de la pub pour son week-end. Je passe le Festival International des Très Courts, c'est des films pour les gosses, personne n'a envie de voir ça. Mais est-ce que c'est vraiment des films pour les gosses ? Enfin, c'est des films faits par des gosses, je veux dire. Ah ouais, non, aucun intérêt. Le Mash-up Film Festival, j'ai pas tout le programme, mais a priori, il y a toujours un peu d'anime. Ça sera les 14 et 15 juin au Forum des Images. Ce sera surtout un festival dédié aux vidéos web qui propose des incursions dans cet univers avec du bricolage assumé. Voilà, comprendra qui pourra. Une info que j'ai eue ce matin, je ne sais pas si ça sera dans l'agenda de l'AFCA, mais c'est pas grave, on verra si j'ai le temps. 100 mètres d'anime, c'est un stage avec Bastien Dubois et Julie Nobelen, ce sera sur 2 jours, avec un rouleau de papier de 100 mètres sur lequel il faudra dessiner. Et si vous voulez vous inscrire, c'est info@crocanime.org. Il s'en passe autant dans le non-dit, c'est un peu comme le hors-champ. Hors micro que dans le micro, c'est assez passionnant cette émission. Rémi, nous t'en prions. Je ne sais pas si j'ai dit à date, ce sont les 6 et 7 juin, donc le week-end prochain. Juste avant Annecy. On en reparlera tout à l'heure. Oui, c'est toi qui vas faire Annecy parce que je n'ai pas beaucoup révisé. Oui, oui, non mais... Les après-midi des enfants. Un grand chef-d'œuvre le 3 juin, ce sera Dingo et Max de Kevin Lima de chez Disney. Il se moque évidemment. Oui. Hein. Quoique, paraît-il que... Non, je déconne, allez, allons-y. Bon, et après, il y a quand même un bon film la semaine d'après, le 10 juin. Ce sera un programme de cours, en fait, qui s'appelle Voilà l'été avec la plage d'Annette Tison et Talus Taylor, Une nuit agitée de Lasse Persson et Alicia Warchowski, Ludovic des vacances chez grand-papa de Kohnmann, Les abricots d'Uzi et Lotta Geffenplatt. Rappelez-vous quand même, Rémi, il y a deux ans, comme il n'arrivait pas à prononcer un seul mot. Enfin, c'était impressionnant, bravo. Ah, j'avais du mal avec les noms étrangers, mais maintenant si ça se trouve, je les prononce toujours mal, mais je m'en fous. C'est ça en fait, c'est de la confiance un peu comme Luc Besson. Il continue à faire des films, pourtant c'est nul, mais il continue. Il faut avoir juste de la confiance. C'était purement gratuit, Marine Furiosa. Je vous en prie, Rémi. Je continue avec Rocanim, les conférences du mercredi. Ça sera la dernière de la saison le 24 juin, toujours au pavillon carré de Baudouin. Ce sera sur l'histoire du cinéma d'animation et je ne sais pas qui est l'intervenant. Alors oui, donc Sylvie, je garde mon portable. Si tu veux nous appeler, t'hésites pas pour dire qui peut bien, parce que je vois pas qui pourrait faire l'histoire du cinéma d'animation. Si ça se trouve, le thème a complètement changé, je sais pas. J'espère. Les concours et appels à projets, je le redis parce que c'est pour bientôt le défi des fous numéro 22, c'est jusqu'au 13 juin à 23h59 et c'est sur le thème du phénix, il faut faire un gif. Le prix cube, je vais en parler quand même, c'est doté de 10 000 euros. Donc si vous voulez envoyer votre film et gagner un peu d'argent, c'est cool. Les sorties ciné, il y en a beaucoup. Le Disney de l'été, vice-versa, voilà. C'était un Pixar. Attends, c'est le film qui a eu une standing ovation quasiment à Cannes. Ils ont adoré. Alors, j'ai un petit mot. Je vais faire l'article, mais j'ai un petit mot quand même très rapidement pour vous dire. Ok, il faut qu'on arrive à que l'animation soit plus reconnue dans le monde de la prise de vue réelle, blablabla, etc. On va pas quand même non plus... ça commence à bien faire quand, à Cannes, la Palme d'Or revient à court-métrage d'animation et tout le monde hurle en disant « On a battu de la prise de vue réelle ». On s'en fout aussi, on va pas quand même avoir se battre avec ces armes-là. C'est super bien. D'abord, c'est pas le premier. Il y en a plein qui l'ont eu, Florence Milla et des tonnes d'autres. Et c'est un peu agaçant cette idée. On a l'impression, alors là, vraiment d'être dans une espèce de ghetto de l'animation. Et d'un seul coup, dès qu'il y a un petit truc sur l'anime, on va se dire, j'étais le premier pourtant à dire qu'il faut qu'on parle plus d'anime, mais ça devient un petit peu agaçant. C'est intéressant ce qu'a fait le Pixar, parce qu'il y a des gens qui ont écrit des articles en disant que l'animation était un peu mis au banc, au niveau de Cannes. Mais faut pas non plus que nous, de l'autre côté, ça a tendance à commencer à m'agacer et on fera une émission sur aussi la vision qu'ont les gens de l'extérieur du monde de l'anime et qu'on soit pas peut-être auto-centré uniquement sur nous. À toi Rémi. Je sais plus où j'en étais. Arte Court Circuit. Oui, c'est impressionnant ce que je viens de dire, donc ça t'a un peu troublé, je suis d'accord. Le 19 juin, il y aura La Petite Casserole d'Anatole d'Éric Monchaud, Sexe pour Blas Cestne d'Isabella Paslow. Pouplushinska. Autoportrait de Claude Cloutier, Entre chien et loup de Reza Riari. C'est ça, Riari, oui. Et le 26 juin, comment ça se prononce ça ? Impersonation de Kim Bo-young et Quiz et Crime de Jim Lacy. Et je finis avec des DVD. Je ne fais jamais de DVD. Là, j'en ai deux dans l'agenda. Je suis content. Est-ce qu'on te les envoie ? Oui, celui-là, enfin, il y en a un, je l'ai vu sur Facebook ce matin. Non, mais est-ce qu'on t'envoie les DVD ? Ah non. Ce que tu pourrais dire, je fais de la presse quand même, j'annonce vos trucs à Bulle de Rêve, il y a 450 000 auditeurs minimum par un truc, envoyez-moi vos DVD. Non, mais autant qu'à faire, autant profiter. C'est intéressant parce que quand j'ai des invités de presse, en général, c'est des films à la con que je veux pas voir. Tu m'étonnes. Alors, en plus, le premier est un super coffret. Oui, c'est un coffret de 5 DVD de Starevitch. Donc, qui est sorti par Dorian Film. Il est déjà sorti, donc vous pouvez le commander. En fait, c'est 5 DVD qui ont été regroupés dans un seul coffret. Les 5 existaient. Bon. Donc vous pouvez le commander sur dorianfilm.com. Et un autre, donc ça j'ai eu l'info ce matin, j'espère que ça sera dans l'agenda si on a le temps de l'ajouter, c'est le DVD des Grandes, Grandes Vacances qui sort le 3 juin. Avec du Marine Blin dedans. Et avec plein de poudrières dedans aussi, hein, mais ça fait le truc pour les enfants avec plein de poudrières, ça fait un peu limite comme truc, mais bon. Et c'était la seule chose intéressante au mois de juin, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre, si bien sûr, il y a Regina Pessoa qui fait son festival, elle a fait l'affiche en tout cas, du 15 au 20 juin à Annecy, en Haute-Savoie, va avoir lieu le 55e festival international du film d'animation d'Annecy. On va juste pour se baigner dans le lac, soyons honnêtes. Les glandus, ils vont uniquement pour se baigner dans le lac et les gens intéressants, ils vont pour voir des films et pour aller voir Alexis Uno faire des rencontres, des choses comme ça. Car le matin, je vous rappelle qu'il y aura les rencontres 3A, des cafés croissants, où on n'aura pas encore le programme, mais puisque c'est moi qui le fais, je peux vous annoncer à l'avance qu'il y aura deux super projections de studios d'art de Shanghai avec des raretés. Ça va être incroyable, c'est plutôt pour les enfants, mais si vous êtes adulte, vous pouvez y aller aussi, vous pouvez... foutre les enfants en l'air, vous pouvez vous battre contre eux. Non, c'est vraiment exceptionnel, on va voir des choses assez étonnantes. C'est Marie-Claire Kikmel que vous avez vu, vous avez entendu ici, qui m'a proposé des films, on a regardé ensemble et tout. Il y a des choses assez extraordinaires qu'on va montrer. Il y aura deux séances sur le dernier En sortant de l'école, donc consacrées à Death Note. Il y aura une rencontre autour de En sortant de l'école. Clément n'est pas encore au courant, mais j'aimerais bien qu'il vienne. Donc voilà, Marine le sait, elle. Mais voilà, comme ça, Clément en direct sait qu'il est invité pour venir parler d'En sortant de l'école dans ses rencontres. Il y aura un Drastica 2 qui va venir parler de son cinéma, Florence Millaille. On parlera de qu'est-ce qu'un film d'homme, puisque c'est les femmes qui sont invitées. Donc voilà, on aura des conférences comme ça. Parce qu'après tout, c'est quoi un film d'homme? On se pose la question. Donc il y aura pas mal de choses comme ça. Il y aura ensuite le pique-nique des fous d'anime. Il y aura le 5 à côté de Bonlieu, s'il fait beau. Autrement, on ne sait pas où ça sera. Voilà, mais sinon, voilà, hein, vers Bonlieu. Il y aura la reprise au Forum des Images. Bien évidemment, il y a plein de choses. Si vous, de toute façon, si vous voulez aller à Annecy, vous avez quasiment déjà votre passe, votre train, etc. Et si vous n'avez pas de passe, comme certains qu'on connaît, vous pouvez venir tous les matins au 3A. Encore de la pub, mais il arrête, lui. Oui, pardon. Pour venir, parce que c'est gratuit. Vous pouvez rentrer quand vous voulez. Il n'y a aucun problème, pas besoin de passe droit et tout. Voilà. Et donc, vous avez aussi, évidemment, et il y aura un retour sur ce stage étonnant de l'écran d'épingle, l'exposition Alexeïev Parker, avec 8 personnes qui seront invitées, qui vont faire le stage de Florence Millaille à Justine Wilstecker, pardon, j'écorche quasiment le nom, de quelqu'un qui est là depuis un bout de temps, et grande réalisatrice, et une toute jeune réalisatrice, et on parlera avec elle, Cerise Lopez, j'espère, des gens, pas mal de gens qui sont là-bas, on parlera de ce stage assez étonnant. Michel Lemieux sera là aussi, qui est la réalisatrice, qui va se mettre, oui, et Marine me regarde et me fait, putain, t'es obligé de citer Florentine quand même. Et Florentine Grelier, celle qu'on est obligé de citer. Ça faisait du bien de ne pas la citer, je la cite quasiment toutes les émissions. Voilà, donc plein de choses étonnantes. Ça, j'en parlerai sûrement pas parce que c'est une connerie. Et plein de choses intéressantes. Voilà. Sinon, vous allez sur annecy.org et... Voilà, de toute façon, il va falloir faire le programme parce que la billetterie doit ouvrir bientôt, je pense. Voilà, tout à fait. 4 juin, mais de toute façon, vous vous en foutez, il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a les courts-métrages. Si, il y a 2-3 trucs en hors-compétition. Il y a un film, un long-métrage d'Autrichien américain qui a l'air assez étonnant, mais si j'en parle maintenant, on va se foutre de moi parce qu'il y a 6 plans, en fait, dans tout le film. Voilà, et ils rigolent tous parce que c'est là. Nous allons faire une première pause et on va avoir très peu de pauses musicales dans cette... Parce que vous avez vu, il y a plein de monde. Et je pouvais pas, évidemment, même si je les déteste, puisque ils vont passer, ils snobent tous les, ils snobent et ils ne vont passer que dans les gros festivals. Et que cette année, bien évidemment, bien joué, Annecy a décidé d'être en même temps que le Hellfest. Merci beaucoup. Donc, et les dieux de l'anime et les dieux du métal sont contre moi. Je les remercie infiniment. Voilà, il fallait que je le dise. Ils ont sorti un album. Ça faisait des années qu'on n'avait pas entendu Mike Patton entouré de ses camarades. Donc, bien sûr, l'album du mois ne pouvait être que l'album de Faith No More, Soli Invictus. Et on va écouter l'un des morceaux qui s'appelle Separation Anxiety. On écoute et à tout à l'heure. Bulle de rêve se fait un peu métal, vous savez que j'adore ça. Donc voilà, c'était Faith No More et Mike Patton, évidemment, qui reviennent et donc qui passeront, enfoirés dans tous les gros trucs, les gros stades, etc. Qui, voilà, ne viennent pas voir les gens normaux. Enfin, tant pis. Allez, on passe à autre chose. Bulle de rêve, donc l'émission 100% animation. On va parler un petit peu, alors autour de la table. Déjà un peu plus timide que d'autres, on va faire comme c'était une discussion, on va faire tranquillement et on va commencer évidemment par Marine Blin parce que Marine c'est celle qui est la plus je vais commencer par une question, on va faire le tour de table qui est super simple mais qui est pour mettre un peu les bases qui est la plus compliquée. J'ai déjà posé à Marine, donc elle se dit, oh non elle va pas me la redemander. Non, pas celle-là. Si, celle-là. Pourquoi à la base, pourquoi le monde de l'animation et qu'est-ce que vous attendiez en fait du monde de l'animation, qu'est-ce que des écoles, pourquoi vous êtes rentrée là-dedans? Marine, tu m'as déjà répondu donc tu peux Je peux inventer une nouvelle réponse. En fait, j'ai pas été castée pour Mad Max 3, du coup à l'époque, j'avais pas grand-chose à faire, du coup je me suis comme je l'ai déjà dit au micro de cette émission, moi c'est vraiment venu par hasard, c'est-à-dire que j'avais envie de me lancer dans un métier plutôt artistique. J'aimais beaucoup le dessin, donc après mon bac je suis partie faire une mise à niveau pour découvrir un peu les métiers qui étaient liés comme ça au dessin, à la peinture, hein, découvrir un peu cet univers-là. Et puis en faisant des portes ouvertes, en fait, un peu par hasard, je suis tombée sur la section animation de l'ESAT à Roubaix. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je me suis dit que partir sur un premier diplôme en 2 ans, qui était public, ça pouvait être intéressant. Et là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont montré ce que c'était vraiment que l'animation. Moi qui n'y connaissais rien du tout, qui n'étais pas spécialement passionnée de cinéma d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que j'avais bien plus d'envie derrière et que j'avais envie d'en faire mon métier, et j'avais envie de réaliser des films surtout. Quoi. Juste une petite parenthèse, évidemment comme d'habitude, vous regardez, j'ai fait un article sur The Web Anime sur aujourd'hui, et vous tombez sur les blogs ou les Vimeo des gens qui sont autour de la table, bien évidemment. Clément, toi pourquoi, faut que tu te rapproches un petit peu du... Donc pourquoi moi je pense que, comme Marine, moi je suis arrivé à l'ESAT, mais dès le lycée, parce que le principe c'était d'éviter toute filière générale et voilà, c'était d'aller tout de suite sur le dessin. Et après quelques interrogations sur peut-être du graphisme ou de l'illustration, c'est l'animation qui a remporté le truc quoi. Ça demandait un niveau de dessin, donc de pratiquer le dessin, et à côté de ça c'était du travail d'équipe, ce qui est assez agréable aussi. Voilà, ma pratique aujourd'hui c'est de bosser dans un studio assez gros sur Paris, enfin, voilà, je travaille avec Zilla, et c'est très plaisant de travailler sur des projets communs et de travailler sur une voilà. Donc c'est du dessin à la base, c'était le dessin qui a amené, c'était le dessin clairement, mais ce qui a fait le choix entre l'illustration, la BD ou l'animation par exemple, c'est le fait de bosser en équipe, en fait je pense, qui me rassurait et me plaisait pour faire des projets plus grands entre guillemets, enfin avec on peut faire une BD tout seul, c'est quelque chose de gérable. Faire un film, ça dépend. Enfin, ma façon de concevoir des films, c'est plutôt en groupe. Valentin ? Bah, moi, un peu pareil. Au début, c'était surtout le dessin, la BD. Et c'est vers le lycée, je crois, que du coup, je me suis rendu compte que je pouvais faire bouger mes dessins. À la base, c'était un peu ça. C'est quoi ? T'as vu des choses qui... C'est venu tout seul ou alors c'est... Après l'émerveillement des petits dessins animés qu'on qu'on regarde plus jeune, c'est... J'ai toujours aimé dessiner, et puis ouais, je pense que c'est venu par... pas forcément les films maintenant qui marquent le plus en animation, mais ouais, c'est après, en arrivant à l'ESAT, que j'ai découvert la force des images, qu'est-ce que tu peux véhiculer avec, et c'est là que j'ai vraiment découvert le cinéma, et comment justement utiliser ces dessins qui bougent pour communiquer quelque chose. Et donc voilà, c'était une évolution comme ça... Et donc voilà, maintenant je pense que je suis autant passionné par le côté technique que ce qui m'intéresse aussi, c'est de l'utiliser pour une idée, pour quelque chose qui me semble intéressant. Voilà. Marie-Lou ? Oui, alors moi je me souviens quand j'étais petite, quand je regardais des dessins animés, ça me donnait envie d'en faire. Et à un bout d'un moment, j'ai complètement oublié ces espèces de rêves et j'étais partie sur une autre passion qui est l'ornithologie. Et au final, une fois arrivée en terminale où on vous demande de trier des vœux sur internet, J'ai fait un choix super étrange de mettre la mana en premier parce que j'étais assez dégoûtée des études scientifiques. Ce qui a fait que je suis tombée par hasard dans les filières artistiques. Et à ce moment-là, je ne pensais pas encore vouloir faire de l'animation. Et donc, c'est comme Marine, je suis tombée sur les portes ouvertes de l'ESAT. Donc, il faut croire qu'ils font des bonnes portes ouvertes. Parce que du coup, ça m'a donné très envie de les rejoindre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'animation. Donc, deux un peu au hasard, deux, il y avait le dessin. Léa, toi ? Moi, on m'a beaucoup trop laissé regarder les dessins animés quand j'étais petite, je pense, de 1. Et ensuite, j'étais trop bizarre pour rester en général, totalement exclue des autres. Donc on s'est dit, on va la mettre en section STI, anciennement F12, enfin un truc pour qu'elle dessine, qu'elle se canalise un peu. Et puis après, le cinéma d'animation est venu vite parce que ça me plaisait, les sous-entendus dans le cinéma d'animation me plaisaient, que ce soit engagé ou pour faire des blagues. C'était ce que j'avais envie de faire. Emeline, toi pourquoi t'es venue ? Est-ce que c'était pareil ? Parce que là on a encore une fois dessin, pas du tout. Moi j'ai commencé par la prise de vue réelle et en fait j'avais super peur de la caméra. À chaque fois je faisais, enfin mes films en prise de vue réelle, ils étaient pas bons. Et une fois avec une association, on a été un atelier film d'animation et c'était du stop motion et ça m'a tout de suite plu de bouger, de prendre la photo. Enfin, pour moi, c'était comme faire joujou. Et puis aussi, je trouve que les gens dans l'animation sont un peu plus sympathiques que dans le monde de prise de vue réelle. Donc d'abord, le cinéma de prise de vue réelle, en fait, dans lequel t'as commencé. Ouais. Un stage, enfin un atelier, oui, plutôt. Ouais, ouais. Et ensuite, là, d'un seul coup, l'envie d'aller à Paris 8, c'est quoi le... En fait, à Paris 8, pareil, c'était... C'était pas sûr que j'allais faire de l'animation. Au début, je me suis dit, tiens, je vais faire du montage, ça va être tranquille, je vais être devant l'ordinateur, il n'y aura pas de caméra. Et puis, j'ai continué à faire des ateliers. Et après, avec Florentine Grelier, elle m'a dit, il y a des cours d'animation. Et c'est comme ça que je suis rentrée. L'animation, ouais. Rémi, toi ? Moi, j'ai fait aussi Paris 8. Du coup, déjà au lycée, je faisais de l'animation avec des copains, des films en prise de vue réelle. Et puis, c'est venu au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était plutôt l'animation qui me permettait d'aller le plus loin ou de partir dans des gros délires que je ne pouvais pas filmer. C'était c'est ça, il y avait le jeu de filmer ce qu'on ne peut pas faire. L'animation permet d'aller au-delà de... Oui, c'est la prise de vue réelle, de ce que peut faire la prise de vue réelle. Oui, même au-delà des effets spéciaux que je pouvais rajouter dans de la prise de vue réelle, il y avait quand même des limites. Mmh. Ok, donc on voit un petit peu, c'était juste pour baser, la plupart, enfin certains vous connaissent, mais c'était pour voir un peu qu'il y a cette volonté finalement un peu différente de chacun. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que ça vous a appris d'être dans une école, ce que vous attendiez de l'école. Ce que vous avez appris de l'école. Alors, je vais vous dire tout ce que j'aimerais savoir. Enfin non, je ne vais pas vous dire tout ce que j'aimerais savoir, c'est à vous de me le dire. Mais j'aimerais aussi vous dire ce qui vous a plu et ce qui vous a moins plu. Alors, ceux qui sont dans les écoles, c'est plus compliqué de le dire, et il est évident. Ceux qui sont sur des écoles, je ne vous demande pas, soyons clairs, ce n'est pas un jeune massacre. L'idée n'est pas de dire, cette école-là, elle est nulle. Non, non, non, non, non, vraiment. C'est juste d'essayer de comprendre ce qui vous... Vraiment, alors, en tant qu'en plus individu, pas en tant que généraliste, c'est pas d'un seul coup, c'est parce que c'est quelque chose qui, moi, me marque beaucoup. Et on le sait, on le sait dans certaines écoles, des fois, qui vont mal, et d'un seul coup, tout le monde se dit, tiens, on va aller dans une autre école, en se disant, tiens, l'autre école, forcément, va m'apporter plus que cette école. Et en fait, je pense que Marine, notamment, quand on a fait 3 écoles, on se rend compte à quel point il faut piocher dans chacune de ces écoles, et qu'il y a du bon, et qu'évidemment, il y a du moins intéressant pour chacun. Donc, toi, par exemple Alors moi j'ai eu plutôt une bonne expérience ou de la chance, je sais pas, c'est un mix des deux. J'ai vraiment le DMA à l'ESAT de à Roubaix, pardon, petit bug. C'était assez général et ça m'a permis un peu de voir les différents métiers qu'il y avait pour faire un film d'animation, découvrir vraiment mes envies, là où étaient mes lacunes et ce qui me faisait envie et plaisir pour l'avenir. Donc ça a été une bonne première formation, vraiment. Et après, c'est de là qu'est venue mon envie de réaliser des films. Donc mon objectif, c'était déjà d'aller à la Poudrière à Valence. Qui est une école qui est spécialisée dans la réalisation de films d'animation, mais pour ça je voulais me dégager un peu de la technique, c'est-à-dire que j'avais besoin de plus de temps pour apprendre plus de bases techniques et avoir un style personnel plus plus définie. Enfin, j'avais besoin de temps pour trouver aussi ce que j'avais envie de dire, comment j'avais envie de le dire et de me défaire un peu de la contrainte technique. Du coup, je suis partie à l'EMK vraiment dans cette optique-là. Et c'est une école, enfin, à chaque fois, c'est des écoles que j'ai choisies et j'ai tenté que ces écoles-là pour l'EMK et pour la Poudrière. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai réussi à trouver vraiment ce que j'y cherchais parce que je savais pourquoi j'étais là et du coup, j'ai beaucoup utilisé, je pense, les écoles dans le sens de ce que moi j'avais envie d'en faire. Après, bien sûr. Alors, tu sais quoi ? En fait, je me dis, on va tous dire sur ce que vous cherchez dans les écoles et après, on va faire un tour sur ce qui, à votre avis, encore une fois, pour vous, c'est vraiment pas un truc à manquer dans ces écoles-là. Donc, on va faire un premier tour sur qu'est-ce que vous avez eu dans ces écoles, qu'est-ce qui vous a, pourquoi vous avez été dans ces écoles, et ensuite, à votre avis, dans ces écoles-là, qu'est-ce qu'il a pu manquer dans ce que vous attendiez dans l'animation. Tiens, qu'est-ce que je fais trop politiquement correct. C'est incroyable. Clément, pourquoi elle... Alors, l'ESAT, on a compris. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a... Alors, l'ESAT, pour moi, c'est... Genre, j'ai tout appris là-bas, vraiment. Mais il faut dire aussi que j'étais un dinosaure. Je suis resté 7 ans quand même dans cette école. J'ai fait le lycée, j'ai fait 2 ans de graphisme après et 2 ans d'anime ensuite. Et bon, ça m'a complètement... Enfin, c'est une école où il y a eu des aspects plus ou moins positifs selon certains feelings avec des professeurs ou quoi que ce soit, mais en tout cas, enfin tout mon parcours qui m'a amené à vouloir faire de l'animation vient de cette école, donc j'ai un grand respect pour cet endroit. Et après pour les Gobelins, c'était une envie, je pense que pas mal d'étudiants ont, c'était sorti de l'ESAT, je me sentais limité techniquement et j'avais besoin de me parfaire, et donc je suis allé au Gobelin parce que grosse école d'anime, on va devenir des super techniciens, etc. Pourtant c'est la dernière fois que je... Non, c'est pas la dernière fois que je le dirai, mais j'étais là à l'oral de fin d'année, je sais à chaque fois que je te le sens, et il y avait un monsieur Chixilam qui a fait, c'est une espèce de légende, hein, l'ESAT, tout le monde le sait, à l'oral, et qui a fait semblant de sortir son chéquier en disant, écoute, ça sert à rien que t'ailles à l'école, viens, on t'embauche de suite avec Xilam, si tu veux, dès que tu sors de l'ESAT. Pourquoi cette envie d'aller absolument dans une école? Sûrement par peur, j'en sais rien. Non, j'étais pas assez confiant pour me lancer dans le monde professionnel. Ouais. Alors, effectivement, l'école, ça m'a pris 3 ans, ça m'a coûté des sous. J'ai dû faire un prêt, j'ai dû vivre à Paris, ce qui n'est pas toujours facile pour la famille, etc. Mais pour les choses très positives, c'est qu'effectivement, ils ont répondu à l'attente technique que j'avais d'apporter des intervenants qui sont extrêmement compétents, de te faire progresser techniquement. Et également, là, c'est vraiment où j'ai appris ce que pouvait être l'émulation quand tu rassembles des profils d'étudiants qui sont tous assez balèzes ensemble et qu'on commence à essayer d'apprendre les uns des autres et de se dépasser. Parfois, il y en a certains qui sont dans un esprit de compétition, ce qui n'était pas trop mon cas. Mais ça fait des profils extrêmement intéressants. Donc en ça, l'école a bien répondu à ça. Voilà. Valentin, toi qui es en ce moment au Gobelin, pareil hein, et ça t'es... Et Gobelin Ouais. Encore une fois, c'est un peu la même chose. L'ESAT m'a beaucoup apporté en ouverture, en fait, sur connaissances cinématographiques, sur le cinéma. Pas comme je disais avant, voilà, il y avait cette envie technique qui était là, qui est toujours restée, que j'aime toujours. Et donc voilà, c'est aussi, je pense, j'ai du mal à me faire confiance et j'avais cette envie d'aller à Gobelin, un peu comme Clément, pour rencontrer des gens. Parfaire cette technique et aller plus loin. Donc, par rapport à ce que tu disais avant, je suis passé par plein de phases, surtout à Gobelin, où ça allait plus du tout, ça allait mieux. Enfin, on a dû se battre aussi pour faire nos projets à nous. Là, c'est que maintenant que j'ai l'impression de réussir à m'en émanciper un peu, de voir un peu mieux ce vers quoi j'ai envie d'aller. Mais voilà, en tout cas... ce que ça m'a apporté, c'est voilà, cette technique et le fait surtout d'avoir rencontré des gens talentueux avec qui j'ai envie de travailler, de développer des projets par la suite. Léa, on va revenir sur tous ces points-là. Là, je vais faire un truc, après ce sera plus discussion, mais c'est juste pour mettre un peu les bases. Ouais, Léa, toi. Alors moi, j'ai été à Supinfocom parce que j'avais des idées en tête de choses à réaliser. J'avais aucun problème à me mettre dans mon coin et à donner vie à des trucs, mais j'avais vraiment un manque de professionnalisme et un peu comme pour Gobelin, je pense que cette idée, bon, c'est une bonne école, elle m'a trouvé du travail, ça rassurait un peu les parents derrière, c'était la première école d'anime que je faisais, donc je savais que je voulais faire du cinéma d'animation, mais j'étais pas trop calée en cinéma indépendant ou d'ailleurs même en cinéma classique. Et ouais, j'avais besoin de m'affirmer un peu dans ce côté-là. Et voilà, et du coup, j'ai assez retrouvé ouais, ça pour ça. Je sais pas, Focom m'a bien mise dans mes baskets. Et retrouver aussi des gens et se regrouper, parce que c'est vrai que l'émulation, là aussi, à SupinfoCom, cette idée, bah, y a plein de gens qui amènent plein de choses. Et on arrive à créer des nouvelles choses grâce aux gens qui t'entourent, qui sont pas forcément ceux à quoi tu t'attendais du tout. Alors là, on est sur des bases un peu particulières. Après, on va finir. Paola vient d'arriver, on lui donnera le micro tout à l'heure. On va dire sur deux écoles qui sont peut-être un peu différentes. En tout cas, on l'imagine en tête. Alors, ça fait à peine un an que toi, Marie-Lou, t'es à l'ENSA, donc c'est pas évident forcément d'en parler. Le micro est super étrange. Voilà, hop. Ça fait que à peine un an, donc c'est pas. Mais c'est vrai qu'on on imagine l'ENSAD et encore plus Paris 8, pas forcément comme ces écoles qui, même si c'est évidemment des excellentes écoles, qui sont censées rassurer réellement au niveau technique, là, on parle. Pourquoi l'ENSAD ouais. Donc, moi, j'avais eu envie d'entrer aux Arts Déco, plus suite au DMA, où on avait pu profiter d'une année à réaliser un court métrage. Et donc, j'ai pensé que c'était ce que je pouvais retrouver aux Arts Déco, tout en expérimentant l'animation. Après, j'y suis pas du tout allée, en effet, pour apprendre techniquement l'anime, parce que de toute façon, c'est pas ce que je recherchais et ce qui m'intéresse. Et en effet, vu que c'est, il y a des années où on a très peu de cours parce qu'il y a une année Erasmus, ensuite la cinquième année où on est très très libre. Donc en fait, c'est surtout être très motivé pour apprendre. Et il y a des moyens d'apprendre aux Arts Déco, voilà. Sur un long terme, puisqu'on voilà. on a quatre ans. Voilà, on a 4 ans pour le faire. Emeline, d'abord, Rémi, tu peux passer le micro quand même, t'es pas très peur, quand même, un minimum de politesse. Emeline, Paris 8, oui, ça paraît. Enfin, moi j'ai fait Paris 8 en cinéma, c'est pas l'école la plus rassurante du monde ? Non. Surtout pour faire de l'anime qui est où il y a quasiment pas de cours, enfin très peu. Lionel Richerand fait, je sais, un tout petit peu, mais. C'est 3 heures par semaine de technique, il n'y a même plus de théorie en anime. Florentine en faisait aussi, on l'avait dit. Hein, bien sûr, il n'y a pas que. Pour pas redire Florentine. Non, mais c'était surtout pour des raisons financières, parce qu'au début, l'EMCA me plaisait beaucoup. Et puis, quand j'ai vu les prix, 5000 euros l'année, je me suis dit, le banquier n'acceptera pas le prêt étudiant. Et après, Paris 8, c'est un peu se construire soi-même. Enfin, ça double tranchant, on a différentes inspirations, ça peut être photo, on peut créer des connexions avec la musique et tout. On regarde aussi beaucoup de cinéma, de films, c'est pas que centré sur l'anime. Et puis, où j'en étais ? Qui avait une ouverture, qui avait... C'était plus pour se construire en fait soi-même que forcément technique. C'est vraiment, enfin, après pour, ce qui est dur aussi, c'est qu'on est assez seul en fait. On a les cours théoriques sur le cinéma, l'esthétique, c'est très bien, mais après les trucs, nous on n'a pas les cours sur la marche, donc c'est nous après. Donc sur la marche, hein, sur l'exercice, oui, pour la technique plus dans donc l'idée. On achète tous le livre de Richard Williams. Ouais, on fait nos exercices tout seul chez nous, en plus des études. Comme on n'a pas les cours de théorie sur le cinéma, bah, pour avoir des références, on va dans des festivals. Comme tu dis, donc l'idée, Paris 8, c'est vraiment on se construit, c'est une vraie fac en fait. On n'est pas pris par la main, c'est pas comme beaucoup d'écoles dont on parle autour de la table, c'est vraiment là, cette obligation de. Après, ce qui fait plaisir, soi-même. C'est. On est plus libre. Oui, et aussi comme on fait de la. Enfin, ceux qui font de l'animation, on est tout de suite un peu plus valorisés naturellement. Wow. Enfin. C'est rare d'entendre ça, donc c'est plutôt pas mal. Non, c'est... Oui, c'est ça. C'est un peu imaginaire, c'est pas grave. Mais ouais, ça monte, tu fais de l'animation et tout. Enfin, j'ai tout de suite eu cette impression un peu plus de facilité. En plus, comme c'est tout le temps difficile de se présenter et tout, donc les gens, ils étaient facilement attirés. Ils avaient tous les yeux qui brillaient parce qu'on montrait des films d'animation. Oh, tu fais une seconde en 15 jours. C'est incroyable, j'aimerais faire comme toi dans la vie. Ils sont un peu particuliers, pareil, vite. Rémi, toi, c'est un peu la même vision des choses qu'Emeline. J'ai l'impression qu'à Paris 8, on apprend surtout à être un autodidacte. Mais moi, c'est ça qui m'attirait beaucoup. Après, on apprend aussi beaucoup le côté théorique pour devenir des chercheurs, sauf si on fait le master en réalisation que vous avez moi fait, j'ai fait et qu'Emeline est en train de faire. Mais ouais, c'est vrai qu'à Paris 8, on est un peu valorisé quand on fait l'animation. J'ai passé ma soutenance, les profs m'ont dit qu'ils étaient contents de voir un peu d'animation. Parce que d'habitude, ils ont des films genre Nouvelle Vague sur le racisme, les homosexuels, mon cul, etc., etc. Ouais, je crois qu'en fait, et c'est là où en fait, pourquoi ça marche comme ça, c'est qu'en fait, en effet, ils ne connaissent pas l'animation, donc forcément, ils savent pas le juger. Donc c'est plutôt agréable d'avoir un truc qu'on n'a pas à se faire chier à juger des choses. Et on se dit, oh, c'est joli. Et en fait, ça, tout passe bien. Paola de Sousa vient de nous rejoindre. Bonjour Paola. Bonjour. Donc Paola, elle est encore... C'est la... Non, j'ai dit, c'est plus... vu que je suis tout le temps en retard, c'est plutôt une qualité que je pouvais comprendre ou un défaut, mais que je comprenais en tout cas. Toi, tu es encore en DM1, deuxième année, tu es en train de terminer, t'es là, je sais pas, peut-être pas la plus jeune au niveau âge, je ne sais pas, on ne va pas chercher, mais en tout cas, ouais, au niveau du parcours. Juste très rapidement, ce que j'ai demandé, la question la plus difficile, pourquoi tu es rentré en animation? Il y en a qui ont dit parce qu'on a vu de la lumière, on est rentré, c'était joli. Il y en a qui ont dit non, j'avais ça depuis que j'avais 2 ans et demi. Toi, tu te situes où? Moi, c'est plutôt la lumière, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Au lycée, en gros, j'ai fait une option cinéma. Et ça me plaisait, mais j'étais pas sûre de vouloir faire du cinéma, de faire une école de cinéma en sortant de l'école et tout ça. Donc j'ai fait une mana parce que je faisais aussi de l'art plastique et que les arts appliqués, ça pouvait me plaire. Et pendant l'année, je me suis dit, mais pourquoi pas faire les deux en même temps? Et donc on m'a parlé du cinéma d'animation. On t'a parlé? Qui? Quelqu'un J'étais en mana Estienne, donc il y avait un DMA cinéma d'animation. D'ailleurs, à mon oral... de Mana, ma prof qui était dans le jury me disait « Mais tu veux pas plutôt faire de l'anime ? Pourquoi ?» Tout mon discours était un peu centré sur le cinéma, donc forcément ça se ressent un peu. Et donc après, j'ai essayé et je suis plutôt contente d'être rentrée. d'être arrivée là. Donc là, et ensuite, toi, t'as découvert, en effet, à l'ESAT, la possibilité. Il y a eu des difficultés au début, non? Je pense que des exercices comme la marche ou les choses comme ça, des fois quand on a envie de faire des choses un peu délirantes ou personnelles. La première année, c'est vraiment très technique. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'aimais pas trop faire et j'étais pas très très douée pour ça. Donc, j'étais pas sûre vraiment de vouloir faire ça. Et puis, en entrant, j'étais pas sûre d'aimer ça, l'animation, parce que je voyais à peu près le concept, mais j'étais pas sûre que ça me plaise. Mais comme la réalisation me plaisait déjà, je me suis dit qu'il y avait quand même moyen qu'il y ait quelque chose qui me plaise dans tout ça. Donc, je me suis rendu compte que je voulais pas être technicienne, mais qu'il y avait d'autres choses qui me plaisaient. Mais tu as fait quand même des exercices. Là, il y a sur ton Vimeo un exercice récent sur je sais pas quoi, Atlas, enfin sur le marathon. Ah. Quelque chose comme ça. Elle a même déjà oublié. Tellement c'était. Oui, non, c'était. Aussi c'est bien. Assez drôle parce que c'est l'exercice d'anime pas cher. C'est un peu le concept de cet exercice-là, de faire de l'anime efficace, rapide et tout. Et au final, j'ai eu une pas trop mauvaise note. Donc, moi qui n'aime pas spécialement ça, c'est. Enfin, j'ai même remarqué que c'était aussi marrant de faire de l'anime sur plage. Finalement, ouais, donc, tu t'en sors bien. Enfin, j'essaye des choses à droite à gauche. Est-ce que l'environnement, vous en avez parlé, est important dans ces écoles, que ça soit l'environnement des profs, quand on a un prof comme Cédric Villain, allez, il fallait bien que je cite le nom parce que je savais que ça allait amener un sourire. pour Clément. Non, mais quand on a des profs comme ça qui poussent, il y a ça, il y en a forcément dans d'autres. Parce que là, il y a des profs dans certaines écoles, vous avez des profs qui sont là toutes les semaines, il y en a d'autres, c'est un peu différent. Je pense que la Poudrière, par exemple, c'est plutôt des intervenants qui sont là, même si Laurent Pouvaret, par exemple, est là tout le temps. Est-ce que l'environnement, la pédagogie purement prof, vous a paru des fois, encore une fois, sans dire de non, mais sans dire, mais où défaillant ou au contraire enrichissant par rapport à ça, par rapport à votre envie de faire l'animation continuer? Je sais pas, Marine, puisque t'as pris le micro. Elle est furieuse. Hein. Non, j'ai pris le micro comme ça, mais tu peux y aller, non, Clément, si ça te fait plaisir. Il a un peu peur. Non, mais je pense que les deux expériences sont intéressantes, c'est-à-dire que d'avoir des profs référents, d'avoir des gens qui suivent sur une longue durée ton travail, c'est important, parce que c'est des gens qui ont un certain regard aussi sur ce que tu fais, qui sont capables de t'accompagner autrement. Et donc c'est important d'avoir des regards comme ça sur la durée, comme l'expérience des intervenants propres à chaque semaine est aussi enrichissante. Moi, c'est vrai que j'attendais vraiment ça pour le coup quand je suis arrivée à la Poudrière, puisqu'on est vraiment sur un système où on a très peu de personnes référentes au final. En définitive, on choisit en fait des parrains sur les gros projets, sur les films, ou voilà, pour nous accompagner, mais on n'a pas non plus énormément d'aller-retour avec ces personnes-là. Donc on est souvent confronté, c'est intéressant de se confronter à un regard différent limite chaque semaine. C'est dur, c'est compliqué, mais en même temps ça permet de poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que ces jalons, par exemple, Clément, font que, je parlais tout à l'heure, c'est vrai que là on peut parler évidemment, ça c'est parce que je sais que c'est un prof en plus qui t'a suivi depuis super longtemps, parce que t'as dit que t'as fait du graphisme. C'est mon maître. Voilà. Est-ce que ça veut dire aussi, c'est intéressant, parce que quand on fait quelque chose, on se dit, bah tiens, pas je le fais pour lui, évidemment, tu le fais pour toi, tu le fais, on va pas non plus dire n'importe quoi, mais en tout cas, on se dit, bah tiens, on a, encore une fois, là on parle de Cédric, et en plus ça va l'énerver, je sais, c'est pour c'est ça que. Le fameux Notice Me Senpai, j'espère qu'il va me remarquer. Oui, voilà, et juste se dire, bah. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'il va en penser, même 4-5 ans après. En fait, je pense qu'il peut y avoir de ça. C'est délicat parce qu'en fait, pour le cas de Cédric, c'est un prof que j'ai eu en année cumulée 4 ans et qui a commencé à m'enseigner du coup, quand j'étais encore dans le graphisme, donc rien à voir avec l'anime. Et du coup, tout mon parcours de développement vers l'animation... Il était là à produire aussi des films à côté, etc. Donc forcément, c'était... Parce que lui aussi, en effet, fait de l'anime, il est... Enfin, comme tu dis, prof de graphisme, mais c'est quelque chose... Même le graphisme l'intéresse presque plus que le cinéma d'animation. Alors, moi, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je suis plus allé vers le dessin quand même, avec l'envie quand même de plus dessiner que d'être dans des animes du motion design, etc. Même si à un moment, j'ai hésité tellement. C'était... Bref. Après, je... Pour parler des professeurs, effectivement, donc Cédric était assez important là-dessus. Je sais pas si pour les gobelins et les intervenants. Voilà, pour le coup, en fait, il y a une phrase qui m'avait marqué à l'époque des gobelins, c'est dès l'entrée en première année, c'était une chargée de la pédagogie, peut-être Moira, je ne sais pas, qui parlait en fait du network, du réseau, oui. De se faire un réseau. Voilà. Et en fait, c'est vrai que aux gobelins, il y a énormément d'intervenants. Et en fait, c'est des gens que je recroise tout le temps après. Donc, en fait, le plus intéressant au niveau de ce type de pédagogie de l'intervenant, c'est aussi surtout d'avoir des professionnels qui vont te noter et qui, dans 2 ans ou 3, vont être tes collègues de boulot. Et parfois même, ça peut arriver d'être le supérieur de cette personne. Enfin, c'est très étrange, mais ça arrive en fait. Et, ou travailler pour lui. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui permet finalement de mettre un peu le pied dans le bain. Quoi. On commence à rencontrer des gens qui seront peut-être les collègues de demain. Donc c'est quand même une perspective assez intéressante par rapport à ça. Alors on va pas faire de tour à chaque fois si vous avez des choses à dire, parce que sinon ça va être un peu monotone de faire « et donc toi », etc. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez surtout pas à lever la main et à dire « oui, je veux dire quelque chose ». Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose par rapport à cette idée d'environnement ? Que ça soit prof ou élève, on en a parlé tout à l'heure, d'émulation, on a parlé des choses. Est-ce que ça, pour vous, vous considérez que d'avoir... Si je vous pose cette question, c'est que souvent on a tendance à penser, alors ça se passe dans certaines écoles, notamment, on le sait bien aujourd'hui, les CCI notamment reprennent en main pas mal d'écoles. Et voilà, alors encore une fois, je vous demande pas de discours politique par rapport à ça, là c'est moi qui me permets, mais et qui se rendent des fois sûrement pas compte, je pense, que l'environnement pédagogique est aussi évidemment important, et l'environnement de l'école, et de créer quelque chose qui soit un univers particulier. Est-ce que quelque chose à quelqu'un, Léa? Tu parles d'environnement, mais il y a l'environnement pédagogique, mais il y a aussi l'environnement géographique. C'est vrai qu'on est... On n'est pas tous dans Paris, on a la possibilité d'avoir les musées, le ciné et tout. Et c'est vrai que, bon, déjà, d'un côté, ça permet de se recentrer sur son travail, mais on se sent assez rapidement tout seul et ça devient vachement plus dur, du coup, de créer... On crée un réseau entre les profs qu'on a, mais hier, je me suis dit, ouais, cool, je vais aller discuter avec des gens d'autres écoles, mais j'en ai jamais rencontré avant, en fait. Je connais les gens de Superinfocom, je connais les gens des Gobelins de nom, je connais toutes les rumeurs possibles, mais j'aime sur les écoles, parce que c'est un monde de rumeurs. Mais des copains que je peux voir en face, j'en avais besoin. Et c'est vrai que ça m'a permis, en tout cas d'être à Superinfocom, à Valenciennes, ville de lumière, m'a permis de me recentrer sur mon travail, c'est ce que je voulais, et d'être plus indépendante parce que appartement, parce que charge, mais aussi je pense qu'on se sépare du groupe cinéma d'animation d'abord, ouais. Et puis on se sépare du groupe cinéma d'animation indépendant, et puis de tout ce que les gens peuvent faire. Donc on essaye de... Voilà, et on discute plus des gens et on rencontre plus le travail des gens par le biais des écoles dans lesquelles ils sont et du type de cinéma d'animation que les écoles ont tendance à faire plutôt que vis-à-vis de l'élève lui-même. Donc il faudrait plutôt que d'avoir cette espèce de chamaillerie souvent entre les écoles et qui se battent, de plutôt avoir une réflexion, puisque c'est toujours, il serait intéressant d'avoir des écoles plus techniciennes, on va dire, mais qui se le disent elles-mêmes, et plus auteurs, etc. On va venir ça dans un deuxième point. On va passer la dernière heure à réellement parler du futur de l'animation. Ok. En attendant, nous allons écouter un morceau pour se relaxer d'un groupe qui s'appelle Across the Snow. Ça veut tout dire, Tracks. Ça dure 4 minutes. On écoute ça et on revient après pour parler de tout ça. À tout de suite. Thank you. Donc, vous êtes bien sûr Bulle de Rêve toujours. Est-ce que ça fait un écho, ça fait quelque chose? Je devrais essayer plus de choses comme ça. Donc, hors micro, d'ailleurs, Marine m'a dit, bah, tu fais une heure sur, en fait, c'est pas le thème de ton émission. Eh oui, c'est parce qu'on est furieuse qu'on n'a pas le droit d'être balancé en plein écran. My name is, c'est pas Max, mais bon, mais voilà. Non, c'était juste encore une fois pour permettre de voir aussi les différents parcours. C'est souvent quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, mais de voir à quel point il y a des parcours différents en animation et qu'en plus ce parcours non seulement est avant les écoles et ensuite des écoles permettent aussi de réfléchir à ces parcours qui peuvent être différents. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous avez des questionnements, qu'est-ce qui n'a pas été répondu dans les écoles par rapport à ces questionnements, ces attentes que vous aviez, etc. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des écoles, il y a encore une fois les écoles, on va pas les redire, mais qui répondent pas à des questionnements, qui laissent dans le flou par rapport, je sais que souvent on répète le côté travail par la suite, le côté avoir ses heures, etc. Et que tout ça, ça laisse souvent dans le flou. Qui veut parler de ça, Valentin? Peut-être juste par rapport à ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'il y a aussi une sorte de décalage entre ce que l'équipe pédagogique attend, les échanges qu'on peut avoir avec les intervenants et les envies des étudiants eux-mêmes. Et il y a un peu cette idée de voilà, l'équipe pédagogique qui gère l'école, qui peut ce statut de nous on sait comment ça se passe dehors, vous de toute façon vous êtes des étudiants, vous apprenez, vous savez rien. Et donc bon, on a eu plusieurs relations conflictuelles à certains moments, mais bon, ça c'est réussir à faire un peu le tri dans tout ce qu'on nous dit, les envies, les réalités des choses aussi. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on ne sait pas forcément les envies, enfin on ne comprend pas forcément tout le temps les envies qu'on a réellement. C'est ça, ouais, réellement. Et ouais, ce que je dis encore une fois, ouais, en 3 ans, je suis passé vraiment par plein d'étapes. Il y a vraiment des étapes où j'étais déprimé, j'avais plus envie de faire ça. Je me disais, bon, si c'est ça le monde de l'anime, ça me. Ouais, ça me mène carrément dégoûté du. J'ai eu une période comme ça. Après, je suis parti en voyage, j'ai fait un peu d'autres choses, j'ai refait des dessins dans mes carnets, j'ai rencontré d'autres nouvelles personnes et je suis revenu boosté pour cette troisième année. Mais ça, c'est. Déjà, je trouve qu'il y a un gros décalage entre ce que les gens peuvent nous dire, les envies qu'on peut avoir. Et moi, j'ai ressenti à plusieurs égards une sorte de frein qu'on nous mettait, que je comprenais pas. Parce que on nous disait voilà, enfin c'est pas comme ça que c'est censé être fait, c'est pas comme ça qu'on fait, donc tu fais pas ça, tu fais comme on te le dit. J'ai eu un peu de mal avec ça. Et bon, maintenant je m'en fous, je passe un peu à autre chose. Et maintenant je me prépare pour la suite. Mais il voilà. y en a d'autres qui ont senti comme Valentin des choses comme ça. Alors Marine déjà, après Clément va faire voilà comme ça. Mais moi je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose. Enfin, on en a vachement parlé nous en tant qu'étudiants dans les différentes écoles dans lesquelles j'ai été et c'est intéressant de savoir qu'effectivement quand tu arrives dans une école tu as des envies et y a une équipe pédagogique qui est là aussi pour passer certaines choses, qui a une vision des choses. Mais pour moi l'école elle te fait autant que tu fais l'école en tant qu'étudiant et ça pose la question et je trouve ça assez intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est pas forcément le cas, enfin dans beaucoup d'écoles, mais de l'engagement de l'étudiant par rapport à l'école et que qu'on est là aussi pour pouvoir faire bouger des choses, pour pouvoir avoir une vraie prise de parole, avoir une vraie des vraies attentes envers une école et pouvoir aussi prendre cette place-là pour pouvoir faire bouger des choses. Et je suis persuadée que si les choses s'organisaient autrement et s'il y avait plus de retours des étudiants qui allaient vraiment avec des envies, on pourrait changer des choses au sein des écoles. Moi, c'est des trucs que j'ai vachement Clément dans les écoles que moi, j'ai fait personnellement. Il y a un truc au Gobelin, c'est vrai, on lutte quand même pas mal sur notamment les films de fin d'année. Quand on rentre dans une école, on pense aux films de fin d'année, on pense qu'on va faire un super film de fin d'année et on est hyper enthousiaste. Moi, il y a une anecdote, c'est vrai qu'au Gobelin, clairement, ils tiennent à ce que les films de fin d'année soient faits d'une certaine façon, assez courts, très bien animés, et l'histoire on voit après, ça c'est vrai, enfin c'est hyper vrai. Et il y a une anecdote qui est qu'il y a eu une année où en fait les étudiants ont été tenus de faire très court par un truc très concret, c'est qu'on leur a dit on a un budget son qui est tant, et il y avait un projet très rigolo qui devait durer 8 minutes, un truc qui, finalement ils ont réalisé un autre film un peu dans la même technique, c'est du After, anime assez limité, un truc étonnant pour du Gobelin. Et il devait faire 8 minutes et en fait on dit bah il y a pas de son pour 8 minutes. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez mais vous faites pas, vous pouvez pas le faire. Donc techniquement ils pouvaient rien y changer à part mettre de leur poche quoi. Est-ce que ces étudiants se sont c'est pas contre hein, et peut-être qu'on peut dire qu'ils ont pas à se battre contre une école et que l'école devrait les aider, mais est-ce qu'ils sont réellement aussi battu par rapport au projet, en se disant de toute façon il faut qu'on le fasse, on peut pas faire autrement ou... Bah du coup en fait et c'était un peu le cas aussi pour notre promo après, on était toujours à la limite de ce qu'on pouvait faire en termes souvent en fait on était bridé par le son en fait, c'était voilà. Et nous, alors l'année où on est passé, ils nous ont mis aussi une note de professionnalisme, quelque chose comme ça, qui en fait c'était simplement une note qui pouvait être si on faisait bien le calcul éliminatoire, parce qu'elle était un coefficient monstrueux, un truc du genre, qui était simplement en fait une note pour moi c'est comme ça que je l'ai pris, de sanction si le film était techniquement pas dans les clous. Donc ça, du coup je regrette absolument pas ce qu'on a fait en troisième année. J'ai fait le film Folle à mort. Mmh. Et c'était on était 7 dessus sur un film très court, donc au final ça a roulé parce que c'était 2 minutes et des peut-être 3 minutes à 7. On a eu le temps de le faire sans problème. L'équipe, on s'est marré tous les jours, c'était très très cool. Mais on a décidé volontairement de faire une blague, de faire un film plaisant où on ne va pas s'opposer à la pédagogie parce que voilà, ça peut être embêtant. On n'avait pas envie de... J'avais d'autres stress à gérer. En sortant de l'école, notamment, je devais préparer en sortant de l'école, donc ça tombait très bien. J'avais pas envie de me prendre la tête plus. Mais du coup, on a fait ça. Quoi. Marine, tu voulais répondre? Ouais, non, juste... Enfin, c'est une. Tu parles de sanctions et tout, du fait de pas avoir son diplôme. Mais est-ce que, au final, je me fais l'avocat du diable parce que ça fait jamais plaisir de pas avoir son diplôme. On est d'accord. Hein. On fait pas 3 ou 4 ans dans une école pour se dire ouais. Qu'on va la foirer forcément. Mais en soi, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que c'est des sanctions sur la non-distribution d'un film ou sur... Je me fais vraiment l'avocat du diable parce que. À la Poudrière, on a aussi une contrainte de temps qui a été des grosses discussions pour nous. Et finalement, je trouve que dans la contrainte, tu arrives à trouver aussi des espaces de création qui sont autres et différents et qui peuvent être intéressants. Mais en soi, le coût de la sanction par rapport à une note ou autre, je me dis finalement, si tu peux faire ton film, qu'il est quand même distribué, qu'il a son succès ou non en festival. Mais, juste pour que les gens sachent la grande différence, c'est que la Poudrière, vous faites votre film tout seul. Les Gobelins, c'est un film en groupe. Donc ouais. Pour trouver pour avoir cette possibilité-là, le cahier des charges était un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y avait une obligation de grouper entre guillemets, puisque il y avait un nombre de films à faire en gros. Donc on pouvait pas être, je crois que c'était, on devait être minimum 4. Je crois qu'on pouvait pas descendre en dessous. On devait faire moins de. Au début, je crois que c'était même du 2 minutes. On a réussi à gratter quelques secondes et il devait y avoir forcément de la 3D obligatoirement, au moins un ou deux films en 3D, quelque chose comme ça. Donc il y avait quand même des choses. C'était l'année juste après les films. C'était cette complètement année-là. Différent. Voilà, oui oui. En fait on s'est pris un retour de bâton sur l'année où il y a eu vraiment pour moi. Enfin c'était une des années les plus. Mais la fin d'année était très rock'n'roll. Ils étaient vraiment vraiment mal au niveau des délais de films. C'était l'année juste avant nous, ouais. Alors que nous, c'est passé tranquille. Est-ce que, Léa, est-ce que ce que dit Marine, puisque toi, par exemple, tu organises un ciné-club à l'intérieur de Super Infocom, qui n'est pas toujours facile, Super Infocom Valenciennes change, c'est pas toujours évident aujourd'hui ce qui se passe là-bas, mais est-ce que cette idée, pas de changer les clubs, mais en tout cas d'être une râleuse, dans le bon sens du terme, pour essayer de faire changer les choses, t'en as une, Marine Furiosa, en as une exceptionnelle, hein, donc Mais est-ce que ça, c'est important? Tu ouais. Le ressens, toi? Je pense que, comme tu disais, on est... Enfin, je pense qu'on... Après, c'est mon avis, mais on est en une période où les étudiants vendent plus leur école. Ce serait aux étudiants vraiment de venir et de vendre leurs écoles ou d'expliquer, mais tiens, ça, c'est ça. Et grâce à cette école, tu vas pouvoir faire ça, tu vas voir, ça va être génial. Alors que là, j'ai un peu l'impression que l'école passe par des stratagèmes un peu voilà, de temps, de trucs de son pour sortir le meilleur truc. Pour que c'est un peu genre l'horloge de l'intérieur, il y a plein de grenages et hop, à la fin du film, il faut que ce soit une jolie montre. Nickel, bien léché. Et c'est vrai que pour ça. Les étudiants, ils ont une espèce d'émulsion qui arrive, ils sont dans une école et on va leur donner la possibilité de créer, de faire un film sans contrainte d'argent. Enfin, à la base, c'est pas censé y avoir, il est pas censé y avoir de contraintes d'argent. Et est-ce que, pardon, mais est-ce que ça vient que des écoles ou ça vient de vous aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné l'idée aussi de se dire, oh, wow, mon film va peut-être être en festival, va être sur YouTube ou Vimeo, va avoir tant de vues? Est-ce qu'il n'y a pas ça, Emeline? Vas-y, mets-toi bien devant le micro, sinon on va pas t'entendre. Non, enfin, c'est par rapport à ce que vous disiez, vu que moi je viens pas d'une école, donc. Moi, pour mon film de fin d'études, en fait, j'ai eu vraiment un gros moment de solitude où, en fait, la première année, c'est on fait toute la préparation, le scénario, et on est en lien avec différents profs qui ne se concertent pas. Et donc, moi, j'avais fait mes cours de scénario. Mon film, enfin le scénario faisait 10 pages, il y avait la prof de scénario qui me disait mais oui c'est très bien, ça se passait dans plein de lieux différents, sur plusieurs jours et tout. Mon prof qui suit mon projet, il commence à me dire non, là ça fait au moins 10 minutes, vous faites de l'anime, votre projet doit faire au moins 4 minutes. Donc c'était... ça a été dur, je me suis de couper, de charcuter mon scénario. Plein de profs, mais ils ne savaient pas non plus comment m'aider. Et puis donc j'ai perdu aussi du temps à revoir le scénario, à le réduire en 4 pages. Puis après, on passe à l'étape. Et ça, juste la personne qui fait le scénario, le cours de scénario, évidemment, elle ne connaît pas forcément grand-chose oui, en anime. Voilà. Donc déjà, c'est ce que m'avait dit mon tuteur. Il m'a dit, bah oui, votre prof de scénario vous a dit que c'était très bien, mais elle ne s'y connaît pas en animation, elle ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire. Puis après, il y a eu l'étape où on commence à construire les choses. Donc, comme c'est plus de la prise de vue réelle, j'ai travaillé beaucoup toute seule. Donc il y a eu aussi ces moments de grande déprime où j'étais chez moi, il y avait mes maquettes chez moi où je trouvais que tout était moche, je pouvais plus m'en sortir, je voyais que mon film, je rêvais de mon film. Puis après il y a eu mon chef-op, parce que ce qui est bien aussi, c'est que comme je fais de l'animation, j'ai réussi à m'entourer de personnes qui voulaient... mon chef opérateur, il fait de la prise de vue réelle et justement, il est venu sur ce projet parce qu'il n'avait jamais fait de l'animation. D'accord, donc c'est l'animation en volume, donc évidemment, ça permettait d'avoir aussi pas mal de... Et après, il me dit, bon, je connais une costumière... Voilà, donc ça a commencé à me décharger, mais j'ai perdu quand même... beaucoup de temps parce que j'étais pas encadrée. Juste pour finir là-dessus, quand Marine dit, et on reviendra sur la question ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand Marine dit tout à l'heure, un an c'est bien, enfin, des fois d'avoir peu de durée, d'avoir peu de. Et on dit ça peut être bien, et à la fois est-ce que c'est pas frustrant d'avoir aussi qu'un an et de se dire des fois, je sais que par exemple la Cambre en Belgique permet à ses étudiants de redoubler la dernière année pour faire leur film de fin d'études en 2 ans. C'est long de faire un film, est-ce que ça serait pas bien aussi dans certaines écoles? Alors que jury de Cannes passe dans le couloir. Marine, vas-y, tu peux. On a des gens célèbres maintenant à Radio Libertaire. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que la possibilité est intéressante. En tout cas, on devrait pouvoir laisser le choix. Moi, j'ai senti sur certains films que j'avais atteint ce que je voulais faire en un an, finalement. Puis mon film de fin d'études, par exemple, de La Poudrière, qui me semble être bien plus précipité parce que j'ai voulu faire un film sachant que c'était je pensais que ce serait un film qui serait compliqué à monter dans le milieu professionnel pour trouver des aides au CNC, enfin pour le faire de manière classique disons, et du coup j'ai voulu profiter de cette année-là pour faire un film comme ça, et avec du recul je me rends compte que j'aurais aimé avoir plus de temps pour poser des choses, plus de temps pour trouver un graphisme, pour aller chercher d'autres choses. Et le fait que certaines écoles puissent proposer cette option-là d'avoir une année supplémentaire pour pouvoir aborder une autre phase de travail, hein, selon les projets, je trouve ça très intéressant. Paulette, Marie-Lou, et après, oui. À ce niveau-là, j'ai discuté avec les 5e années parce qu'ils sont en train de... Ils sont en plein rush de films, donc ils sont en train de terminer. Et il y en a, je ne citerai pas de nom, mais il y en a un qui a plus de mal à finir. Et les professeurs sont en train de l'encourager à redoubler parce qu'ils disent que c'est très important pour les élèves de l'ENSA d'avoir un film fini parce que ça leur ouvre beaucoup plus de portes. Donc voilà. Donc il y a des écoles qui permettent quand même ça. Paola, là, le fait que s'ouvre, je sais pas toi ce qui t'intéresse, tu vas passer l'oral de l'ENSAD, bien sûr, si t'as envie de passer à l'ENSAD, mais le fait que s'ouvre une troisième année, par exemple, là, à l'ESAT, qui est quasiment officielle, là, qui va permettre peut-être de finir son film et de rentrer dans des studios, notamment de la région, est-ce que ça, c'est quelque chose, hein, quelque chose qui paraît intéressant pour toi? C'est plutôt une bonne idée, parce que à l'ESAT, par rapport à d'autres DMA, on n'a pas cette obligation de finir notre film. Je pense que c'est une bonne chose, parce que, bon, bah, en un an, quand on a que une année d'apprentissage derrière nous, c'est pas énorme, donc les films sont pas forcément bien si on essaye vraiment de les finir au bout d'un an. Mais déjà au bout d'un an, quand t'as bossé sur ton projet, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui vont pas entre le début et la fin de l'année. Donc avoir une année en plus pour peut-être reprendre des choses et pour aller au bout, pour même refaire un autre projet, c'est pas mal. Et puis ça reste, enfin, c'est une formation publique en plus, donc c'est sûr qu'après un DMA, on est censé à la base pouvoir travailler, mais enfin, on se rend bien compte que c'est ça devient de plus en plus difficile. Ouais. Donc, il n'y a pas toujours la possibilité après un DMA de faire une école payante, chère. Donc, c'est une bonne chose. Surtout qu'il y a aussi le côté professionnel de faire de l'alternance, donc faire une semaine en studio et une semaine à l'école avec plus, bon, pas des cours théoriques comme on a en DMA, mais des vrais intervenants qui viennent pour faire des workshops. Des vrais intervenants, merci. Oui, c'est vrai. Clément, est-ce qu'on peut dire, parce que c'est vrai que là, on est sur les écoles, c'est ceci, c'est cela, et je pense qu'il y a ça. Est-ce qu'il n'y a pas une pression que se mettent les élèves eux-mêmes de se dire, faut absolument que j'ai réussi ce putain de film de fin d'études, qui soit dans tous les festivals du monde, quand Folamour a été sélectionné à Annecy, on a eu droit à des plaquettes sur Facebook, on est à Annecy, c'est génial, etc. Est-ce qu'on se met pas, voilà, cette hyper pression. En mode business et tout. Non, mais. Bah, en fait, oui, clairement. Il aime beaucoup les jeux, hein, donc vous l'aurez compris, donc il fait pas mal. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, ça m'intéressait pas forcément. En fait, on a quand même tenté le truc Oscar, tout ça. Enfin, le parcours du combattant, d'être sélectionné dans des festivals comme le SIGGRAPH, Annecy, etc., qui peuvent ensuite prétendre aux Oscars, comme pour Octopody, qui est donc un autre film des Gobelins. On l'a pas eu, mais c'est vrai qu'il y avait des étudiants clairement qui avaient envie d'avoir une bande démo en béton armé. Mais je me souviens, même Folamour avait pas été mis sur le YouTube de Gobelins en se disant il a une chance. La sortie du film a été retardée d'un an parce que certains festivals exigeaient que le film reste en avant-première chez eux. Donc effectivement, le film en fait n'est sorti que l'an dernier, au lieu de sortir en 2013 à la sortie de ma promo en fait. Est-ce que ça vous le ressentez, vous, je sais pas, cette idée de se dire, Valentin, toi qui es en train de finir là le film, est-ce que quand tu commences ce film, toi, je sais, parce qu'on en a souvent discuté, qu'a des envies de mise en scène, qu'avait un projet en DMA qui va peut-être repartir par la suite, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on se dit, on se dit, j'abandonne ça pour avoir autre chose, ou est-ce qu'on sent cette pression, on se la met nous-mêmes? Bah, c'est clair qu'on se met une pression nous-mêmes, parce qu'on a envie de faire un bon projet, de sortir quelque chose. Après, moi, personnellement, pas trop mon objectif. Hein, les festivals, présenter aux Oscars, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, vraiment, de faire ce film. Après, je dis ça maintenant, bien sûr, si je suis invité à Annecy l'année prochaine, ou des trucs comme ça, je serais forcément content, mais... En tout cas, je fais pas dans cet objectif-là. C'est pour ça que vous êtes permis d'être un film un peu plus... atmosphérique, on va dire, où on est plus dans des, pas des non-dits, mais quasiment, on suit pas forcément une histoire, enfin, il y a une histoire, mais on se pose plein de questions dans... Ouais, on avait bon, une envie de, voilà, développer... on avait envie de travailler autour d'un personnage, développer un thème, on était parti un peu de l'investissement. Nous, on peut donner dans un truc comme l'animation où tu passes des heures et des heures pour faire une seconde. Pitch, c'est une femme pompière qui se bat contre le feu et qui est fascinée en même temps par les flammes. C'est un peu ce paradoxe entre la fascination pour quelque chose et se battre contre pour. Et bref, on avait envie de faire ça, on est parti là-dessus. On avait des envies aussi, clairement, travailler sur papier, nouveau, de. vraiment des envies personnelles. Et là, pour le coup, je suis dans une équipe avec des amis, on s'entend bien tant dans la vie privée que professionnelle. Et voilà, on est vraiment. Je pense que c'est vraiment un film. Et là, pour le coup, en équipe, je pense que j'ai de la chance parce qu'on a réussi à. Les envies de chacun correspondaient un peu à une envie globale. Et du coup, on s'est. Je pense que tout le monde s'y retrouve pas mal en fait sur ce projet d'équipe. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et donc, je me sens. Alors, bon, après, il y a toujours des petits trucs que tu aurais fait différemment, toi personnellement. Mais globalement, je pensais pas, il y a encore un an, que ça pourrait se passer aussi bien dans un projet d'équipe. Et donc, voilà, je pense qu'aucun de nous avait en tête voilà, faut que j'ai une bande démo qui déchire, faut que ce soit pris dans tous les festivals. On avait vraiment envie, voilà, envie de faire ce film-là. L'équipe était importante, donc là, vraiment, d'abord. Ouais, ouais. Et moi, c'est ce qui me plaît, ce dont j'avais envie. Donc, Marie-Lou et Léa, vous qui êtes à 3 ans de votre film de fin d'études, justement, est-ce que c'est des choses que là, vous vous posez comme question aujourd'hui en disant, bah ouais, enfin, c'est quand même un film. Enfin, je pense quand même à mon film de fin d'études, ou alors pas du tout. Il y a le film d'une minute, il y a pas mal de choses, évidemment, à Superfocom Valenciennes. Pareil, il y a pas mal d'exercices et travaux à l'ENSAD. Mais est-ce que quand même, c'est dans un coin de la tête ? Tout de suite, je pense absolument pas à ce que je pourrais faire en cinquième année. Il y a beaucoup d'autres projets qui arrivent en cours de route. Déjà, l'année prochaine, il y a le projet de banc-titre. Donc, je pense que c'est plutôt là-dessus que je vais réfléchir, même à partir de maintenant, je sais pas, pour trouver une musique. Et ensuite, oui, la quatrième année où on a une année assez vague. Du coup, ça aussi occupe l'esprit. Donc, pour l'instant, aucune idée de. Avec un mémoire quand même. Avec le mémoire. Donc, en fait, il faut réfléchir aussi à ce qu'on pourrait faire en mémoire. Donc, d'ici que ça se soit fait, je pense. Une étudiante de l'ENSA, d'ailleurs, dont tu m'as dit, a fait un mémoire. J'espère la recevoir. Elle ne pouvait pas éviter de rendre cette semaine. Elle était absolument épuisée sur l'école idéale. Hein, de cinéma d'animation, évidemment, elle aurait été parfaite. Je la réinviterais. Toi, Léa, tu sens vraiment, est-ce que déjà tu te positionnes un petit peu, dire bah tiens, ouais, j'essaye de voir l'équipe avec qui je pourrais être, parce que toi, la différence de Marie-Lou, elle le fera toute seule, a priori, elle peut le faire, mais toi, tu le feras forcément en groupe. Est-ce que tu y réfléchis déjà ou, bah, je pense que toutes les relations qui se créent entre les gens de la classe se fait avec cette réflexion derrière du film de cinquième année, mais il y a le film d'une minute avant en quatrième année. Plus personnel, donc là tu fais tout seul, ouais. Exactement, et on est plus dans la réflexion de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut, tout en répondant aux attentes professionnelles et l'équipe pédagogique, et un peu essayer de trouver des magouilles pour placer ce qu'on veut, tout en gardant un travail plus tard. C'est ça, les écoles aujourd'hui, c'est une espèce de combat. L'animation a complètement changé, on le sait bien. Avant, on faisait une école, on sortait de l'école et on pouvait plus, bah voilà, essayer de trouver, appeler des gens, t'as un petit boulot, etc. Aujourd'hui, comme je dis, ça devient de plus en plus difficile. Il y a vraiment une, pas les chasseurs de tête, mais dans certaines écoles comme Superfocom Valenciennes, on a des studios, des gros studios qui viennent au jury, qui viennent récupérer des gens directement au moment du jury, etc. Est-ce que j'ai perdu ma question. Elle était là quelque part et ouf, elle vient de passer, je l'ai perdue. Merci Valentin. Bah, ce qui est compliqué aussi, alors c'est difficile d'en parler parce que on ne connaît pas tout, mais clairement on ressent aussi par rapport au prix des écoles. Gobelin qui est financé par la Chambre des Commerces, qui, je sais pas, il y a encore 10-15 ans, je crois que c'était quasiment gratuit. Parce que je crois que c'était JQV qui avait fait, qui disait que ça coûtait 1000 francs ou je sais plus quoi, enfin. Ouais, complètement délirant. Dérisoire par rapport à maintenant. À l'époque. Et il y a clairement ce problème-là, c'est de moins en moins financé, du coup c'est de plus en plus cher. Là, l'école passe en 4 ans à Gobelin, donc moi je finis en 3 ans. Le contenu du programme a pas l'air. Enfin, bref, ouais, c'est mon avis. Ils ont moins d'heures. Ils ont moins d'heures, il me semble. Ouais. Que ça, en fait, ça va être dilué. Ouais, c'est ça, ouais. Moins d'heures d'animation, c'est ça? Moins d'heures de. Cette année déjà, en première année, ils ont une après-midi de. Ouais, nous aussi, on a eu. Autonome, quoi. Ouais. En gros, une après-midi de rien. Et tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est un peu. Triste, enfin, tu sens que vraiment, à cause de l'argent, il y a aussi ça, et que même l'équipe pédagogique, nous on est en conflit, on peut être en conflit avec eux ou pas, mais on sent qu'eux aussi ont énormément de contraintes. C'est pour ça que je parlais bien des CI, hein, c'est pas évidemment ici l'idée de critiquer les équipes pédagogiques, loin de là. Ouais, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on sent, même nous en tant qu'étudiants, on sent qu'il y a des couacs partout, en fait, à tous les niveaux, que chacun... on a une sensation d'un peu de bricolage, de comment on peut faire pareil qu'avant, avec moins de sous, et toujours aussi de on sent aussi de cette envie de faire, vouloir faire mieux, entre guillemets. Dernière petite chose avec Clément. Ouais, enfin, moi, très simplement, je trouve que ce qui se passe en ce moment avec les écoles qui allongent leur durée d'enseignement, c'est vraiment de la merde. Enfin, faut vraiment être honnête. Parce que ça, parce qu'en fait, mine de rien, les années augmentent au fur et à mesure. Et là, en fait, j'ai regardé. Si quelqu'un veut faire ses études au Gobelin maintenant, ça va. Alors que je ne suis sorti qu'il y a 2 ans, mais c'est déjà 2 fois plus cher en fait. En 4 ans cumulés, ça coûte déjà 2 fois plus. J'aurais dû faire un prêt le double. Après, faut se rendre compte que quand on sort, on est intermittent du spectacle. Les Gobelins, c'est cool, on a des propositions de boulot assez fréquemment, mais on n'a pas des salaires de ministre. Franchement. Ça, pour moi, ouais, ça commence à être quelque chose que je trouve assez sensible. Et typiquement, je sais pas si un jour j'ai des gamins, je sais pas si je pourrais leur payer à mon tour les études que j'ai eues avec le boulot que ces études m'auront donné. Tu vois un peu la logique. Voilà. Donc c'est simplement ça. C'est cette idée de plus concurrentiel et l'idée en effet qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher, ça c'est délirant. On va garder la dernière demi-heure quand même pour parler un petit peu de ce que vous avez envie ou de ce que vous aimeriez faire. J'ai toujours tendance à dire qu'en effet, les profs, et j'en suis un, donc voilà, on a tendance à pouvoir dire, bah tiens, le cinéma c'est ça, et qu'évidemment on peut pas forcément savoir quel est le cinéma de demain, c'est pas l'angélisme, c'est pas pour absolument... voilà, mais je pense que c'est important aussi d'y réfléchir autrement. Et donc on va voir ça, on va juste faire une dernière petite pause musicale. Et on va écouter 3 minutes 30, ça va être un peu plus léger, allez. Le Yellow Magic Orchestra, Behind the Mask, donc le groupe de Ryuichi Sakamoto, là, il y a longtemps. On écoute ça et on revient juste après. Et donc voilà, Yellow Magic Orchestra, vous nous entendez, évidemment, on parle pendant cette musique, ce qui n'est pas bien du tout, mais voilà. Allez, allez, quasiment 25 minutes, on va dire, on finira pas un générique comme d'habitude, de fin était normalement pour The Guest of Honor d'aujourd'hui, on devait entendre un morceau de Mad Max, évidemment, pour Furiosa qui est avec nous, mais on l'entendra pas, on le zappera, et l'émission d'après, évidemment, pourra mettre son propre générique. On a parlé un petit peu des coûts, juste avant, en disant que ça devenait de plus en plus cher. Est-ce que les coûts n'obligent pas des fois, je disais à un moment donné, à trouver finalement un boulot pour rembourser et que finalement, l'idée de se dire, hey, il faut absolument que j'ai envie de faire ce que j'ai envie, on va dire, et de manière très naïve, eh ben, on ne le fait pas parce qu'il faut rembourser les années qui sont derrière. Clément, je te vois lever les... Non, pas... Bon, toi, c'est différent. Ça va. Toi, tu avais été... Xylem avait tatoué depuis en fait, le DMA et en fait est sorti et c'était bon. Ouais, ouais, typiquement c'est ça. Et en fait, il y a aussi le fait qu'en progressant dans les études, même si j'adore le court-métrage et j'adore Annecy pour aller en voir, c'est pas forcément ce que je peux faire. Même si j'ai réalisé en sortant de l'école. Mais... Ouais, puis je parlais pas de court-métrage. Tu vas présenter à Annecy une série avec du volume, un mélange ou quoi, qui à mon avis et qui a l'air magnifique et j'espère. Qui va pas forcément être évident à vendre aussi. Non. Et on parle pas que de cours et d'auteurs. C'est maudit. Ça, mais ouais, parle-nous un peu de cette série parce que c'est une série qu'en plus qui vient du DMA que tu reprends. Oui, c'était une idée que j'ai eue à la fin du DMA, ce qui était mon projet de fin d'année. Et en fait, là, je le travaille avec Lila Pesset, Lila Poppins, qui était une réalisatrice aussi de la première saison de En sortant de l'école, qui a fait le film En sortant de l'école avec beaucoup de papier découpé. C'était extrêmement beau. Et du coup, je lui ai demandé de m'aider pour ce projet-là et on va essayer présenter ça à Annecy et essayer de trouver éventuellement des financements, etc. Ce qui peut être un petit peu effectivement compliqué parce que ça va être hybride, vraiment très très avec plein de techniques mélangées. Mais ça va. Est-ce que c'est une inquiétude juste pour parler parce que encore une fois l'idée n'est pas d'avoir d'un côté l'auteur de court-métrage qui travaillerait seul dans sa cave. Encore une fois, je recite souvent les gens qui sont ici, mais toute la nouvelle génération, Jérémy Clapin, Papy 3D, Franck Dion, Gilles Cuvelier, etc. Gabriel Jacquard, tous disent on n'a pas forcément envie de maintenant de bosser seul dans notre cave comme avant, comme il y a 20 ans et travailler tout seul chez soi. On a même en faisant du court-métrage, on a envie de bosser avec des gens qu'on aime et puis bosser à plusieurs, même pour le film en lui-même. On a envie de faire des séries. Je parlais de Gabriel Jacquard qui a voulu faire une série d'après Recto Verso en noir et blanc où tout le monde lui a dit à Cartoon Forum ou le je sais plus où, Cartoon Money, l'idée de dire oh c'est génial ton projet mais c'est en noir et blanc, ça va plaire, on sait pas trop pour les adultes, c'est pas pour les ados, c'est pas pour les enfants, on sait pas trop où le placer, etc. Est-ce que ça c'est une inquiétude de se dire est-ce qu'on va réussir à placer des projets encore une fois quels qu'ils soient en sortant de l'école ou déjà en étant sorti de l'école? Marine qui me regarde avec des gros yeux, est-ce que toi tu te dis t'as plutôt envie d'aller vers la réalisation de courts métrages? Ou même pas, tu t'en fous, tu pourrais faire de la pub, tu pourrais faire. Ah non, je crois que les deux choses qui m'intéressent le plus, clairement, j'ai envie de continuer à faire des courts-métrages, mais j'ai pas envie de faire que ça. Je trouve ça intéressant d'avoir une dynamique et de bosser du coup sur d'autres projets parce que c'est super enrichissant et que c'est bien de tourner et d'amener différentes choses à différents postes sur différents projets. Les films de commande, ça m'intéresse aussi, dans une certaine mesure. Je trouve qu'il y a des choses passionnantes qui se font. Qui se font notamment pour des musées, parce que le studio dans lequel je travaille en ce moment a fait un film pour un musée, on s'apprête à en faire un deuxième, donc c'est vrai que tu découvres plein de nouvelles choses, c'est des nouveaux défis, c'est assez enrichissant. Je me pose pas trop la question, j'avoue, pour l'instant. Va peut-être falloir que je commence à me la poser d'ailleurs. Est-ce que je vais trouver un public, trouver des financements, trouver tout ça pour des projets personnels en tout cas, pour répondre à ta question. Ouais. Je pense qu'après, il y a des envies très différentes aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose j'en parle beaucoup avec des amis autour de moi et pas mal d'anciens étudiants. Et je crois que le système du CNC est génial pour le financement, pour trouver des sous pour faire des films, d'avoir l'aide des régions et tout. Mais je crois que tu te perds aussi. C'est une autre dynamique parce que tu dois tenir des projets sur des plus longue durée et ça peut être assez frustrant et délicat d'avoir une énergie comme ça sur des mois voire des années à porter des projets juste pour trouver un financement pour pouvoir aboutir à ton film, alors que finalement peut-être que 3 ans après t'es plus dans les mêmes questionnements, t'es plus dans les mêmes envies. Et je pense qu'on est de plus en plus à se poser la question de savoir comment trouver des méthodes alternatives pour faire des films, parce que c'est intéressant d'avoir des films qu'on réfléchit et où on prend le temps vraiment d'écrire, de développer les choses. Mais la part d'instinctive, elle est très très importante aussi, et faire des films beaucoup, de manière beaucoup plus lâchée où t'expérimentes des choses sans qu'il y ait tout cet aspect de chercher des sous, enfin qui peut être assez laborieux du court métrage en passant dans des chemins classiques, etc., avec des commissions. Enfin, je pense que c'est un réel questionnement aujourd'hui de notre génération aussi d'étudiants qui sortent de l'école, mais aussi de réalisateurs plus confirmés qu'ont des envies comme ça aussi différentes. On a eu Émilie Mercier, Florentine Grelier ici, évidemment, qui nous disait l'envie de temps en temps de faire ces films, justement. Alors, c'est très bien, Marianne, ce que tu as dit. On va arrêter de poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez? C'est la question la plus difficile, mais c'est pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce que vous aimeriez comme monde de l'anime? Qu'est-ce que vous aimeriez créer? On va être complètement naïf, et puis on est dans un monde. Non, mais sincèrement, qu'est-ce que vous aimeriez créer? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans 5 ans pour Léa, Marie-Lou, je sais pas, Paola, enfin Paola on sait pas encore, ça va dépendre évidemment là des écoles, vous quasiment maintenant, Valentin dans un an, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est de monter un collectif, c'est de faire plein de choses, de faire des séries mais avec des graphismes purement personnels, de travailler avec des scénaristes, et puis là je me tais, c'est à vous de me le dire plutôt, c'est pas à moi de dire ce genre de choses. Quelqu'un veut commencer? Clément? Là en plus comme je suis en plein développement de ce projet là, donc de Walter, ma série. Oui, clairement, je veux faire la meilleure série du monde. Si j'y arrive, on va voir. Mais qu'est-ce qui te manquerait pour faire cette série de manière très concrète? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te propose Pour l'instant, il me manque rien personnellement, puisque je m'amuse énormément à travailler avec les gens avec qui je suis en ce moment. On est quatre. Des personnes m'aident pour l'écriture. Marie Manon m'aide pour l'écriture. Et Lorraine Lécan m'aide en prod. Elle a des petites notions de prod, donc elle m'aide un petit peu à organiser tout ça. Donc pour l'instant, on bosse pour la passion et on n'est pas payé. Et puis on fait ce projet-là. Donc il me manque rien. J'attends plutôt d'avoir les bonnes opportunités et peut-être les bons interlocuteurs pour rentrer en pré-production dessus. Parce que c'est vrai que je veux pas qu'il y ait de compromis sur certaines choses. Il y a des choses, forcément, je vais devoir faire des compromis sur certaines choses, puisque les chaînes, les distributeurs sont qu'il faut ils ont leurs idées préconçues sur certaines choses, donc il faudra s'adapter à ça. Mais typiquement, la partie notamment technique du papier, du volume, et de mélanger les techniques, et de présenter vraiment un projet avec visuellement bizarroïde et un peu qui émerveille un petit peu, c'est l'idée. Si ça doit être rogné sur l'autel de la rentabilité, eh bien non, ça ne se fera pas. Alors quand on a un projet comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la France, on va voir Cartoon Network en disant, de toute façon ça pourra jamais se faire ici, on va plutôt sur internet en se disant on va aller financer ça comme disait Marine tout à l'heure, c'est-à-dire dans des chemins un petit peu différents. Pour l'instant, j'ai pas encore pris la température, on va dire, travaillant Axilam, ils connaissent mon projet, puisque je le travaille sur mes heures le soir, donc ils l'ont vu évoluer. Je leur ai présenté hier, d'ailleurs. Donc ça s'est très bien passé. On se reverra à Annecy pour en reparler, etc. C'est le genre de projet qui pourrait les intéresser vraiment? Peut-être. Ou... Typiquement, Xilam, j'aime beaucoup ce qu'ils font pour le cartoon. C'est vraiment, ils sont très forts pour ça. Ma série a des éléments cartoon, donc c'est très bien. Xilam, par contre, niveau de la 3D et du volume, je pense, de mémoire, il n'y a pas eu grand-chose de fait chez eux. Pour la 3D, quand même, ils avaient travaillé en 3D, notamment avec Cube, sur Oggy et les cafards, le film. Et il me semble qu'il y a un peu de 3D aussi dans les Oggy, vraiment des petits éléments, mais il y a un peu de 3D. Mais c'est pas vraiment le cœur de leur prod. Donc c'est plus ça, de savoir est-ce qu'un projet hybride comme ça pourrait les intéresser. Est-ce que la problématique pour l'instant serait sur la technique uniquement, ou alors sur le graphisme qui est un peu barré, ou sur les histoires ou quoi? Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose qui pourrait coincer quelque part, ou pour l'instant non? Franchement, je pense qu'en fait, au niveau, j'ai jamais eu aucun problème sur la conception graphique. Les gens en général trouvent ça très beau. Et sur les histoires, c'est souvent, qui connaît un peu le projet, c'est assez frais et je pense pas qu'il y aurait de gros problèmes. C'est quelque chose de plus de merveilleux de l'histoire, quelque chose. Donc ça devrait aller. C'est plus sur l'aspect technique que j'ai un peu peur. que les studios Bloc, un peu peut-être. Vous pouvez regarder, comme je vous ai dit, vous tapez sur... Cliquez sur Clément de Ruyter dans l'article The Web Anime et vous tombez sur son Tumblr où vous avez plein de choses, évidemment, de la série. Vous avez un quart d'heure. Qu'est-ce que vous aimeriez nous proposer comme monde de l'animation dans, allez, 10, 15 ans, le temps que vous grandissiez et que vous deveniez des grands, des gens horribles de l'autre côté qui disent « Oh, oh petit, non, tu devrais faire ça comme ça, je sais. » Valentin, réfléchissez les autres. Juste, tout, vraiment, ce que vous avez envie, ce que vous aimeriez. Difficile comme question. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de faire plein de trucs, clairement. L'année prochaine, je pars travailler un an à Los Angeles, en studio où je vais pouvoir faire plein de trucs. Voilà. Ouais. Gros studio C'est un studio en fait qui est financé par l'audience en fait du public. Du coup, ça leur permet de garder une certaine liberté sur leur projet. Ils font beaucoup de formats très très courts. Moi, ce qui m'intéresse chez eux, c'est que de ces formats très courts, une grosse liberté. Enfin, il y a plein de techniques différentes utilisées, la 2D, la 3D, l'animation de marionnettes, la stop motion. Ils fabriquent leurs propres petites maquettes, qui prennent en photo. Enfin, ils font vraiment plein de choses. Ça a l'air d'aller assez vite. Et par rapport à l'animation, souvent on se retrouve dans des projets. Tu veux dire son nom du studio ? C'est Jeep Jab. Jeep Jab. Okay, cool. Ouais. Donc il fait pas mal de choses un peu politiques même, enfin un petit peu sur les sites, ouais, y a... joue, enfin satirique on va dire. Il y a vraiment un peu de tout, ouais. Moi c'est ce qui m'attire, c'est juste ce côté-là, ben, de l'anime où on peut facilement justement rentrer dans des projets sur des années, t'en vois pas le bout. Et voilà, dans un premier temps, il y a ça, il y a... Avec des copains, on aimerait bien monter un collectif pour faire nos projets, donc voilà, enfin on est nombreux, mais l'idée serait de voilà, pouvoir répondre en tant que groupe certains projets, développer les nôtres à plus ou moins long terme, que ce soit du court-métrage, de la série, enfin, je pense qu'il y a plein de formats possibles. Voilà, moi j'ai un frère qui fait du cinéma aussi, de la prise de réel, j'ai envie de développer des projets avec lui, mélanger les deux, enfin, j'ai vraiment envie de plein de choses. Tu disais d'ailleurs que de temps à autre l'école mettait un petit peu, entre guillemets, hein, des bâtons dans les roues, pas des bâtons dans les roues, mais se dire bah, c'est plutôt comme ça que ça se fait, pas ça. Est-ce que tu sens en ressortant de l'école qu'il y a des choses qui vont t'empêcher, hors de l'école justement, est-ce qu'il y a aussi des choses qui peuvent t'empêcher ou non, là tu te sens plutôt... Bah là j'ai envie de me sentir optimiste. Bah, dans un mois là je suis lâché dans le monde professionnel. Voilà, j'ai pas encore été confronté vraiment... peut-être enfin une difficulté qu'on peut rencontrer. Là, j'ai envie de voilà de garder cet optimisme là. J'ai l'impression enfin aussi enfin je vois les gens aussi qui sont déjà sortis, qu'il y a plein de projets à droite à gauche qui se développent, qui se montent avec internet aussi. Enfin il y a un moyen de communication quand même assez incroyable. Tu peux contacter quelqu'un à l'autre bout du monde, tiens, tu voudrais pas animer sur mon projet ou... Donc j'ai envie de rester optimiste et de me dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, que c'est possible de trouver, enfin, à droite à gauche, justement, bah, Clément parlait du réseau avant. Et autre, enfin, voilà, que ce soit même des potes à droite à gauche, enfin, le monde de l'anime, c'est quand même un monde assez petit, on s'en rend compte après quelques années qu'on recroise souvent les mêmes têtes. Et du coup, vraiment, enfin, je veux être optimiste et me dire qu'il y a plein de projets intéressants, peut-être, j'espère, un peu nouveaux qui vont remplacer, ben voilà, la façon dont l'école voit, enfin, les projets de séries classiques à la télé, je sens toutes les contraintes qu'il y a, et je pense qu'avec Internet aussi, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut émerger. Emeline et Rémi, vous qui venez de Paris 8, Emeline qui disait tout à l'heure, oui, mais moi si je veux aller dans un quelque part, si je dis pas que je viens des gobelins ou des trucs comme ça, qu'est-ce que tu as envie de faire? On laisse tomber ça, ce genre de choses, qu'est-ce que toi réellement t'aimerais faire, et Rémi rapproche-toi un peu du micro. Après mon master. Ouais, qu'est-ce que tu as envie de faire réellement? C'est plutôt travailler sur le projet des autres. Et ça, c'est sûr, je veux pas faire un film tout seul. Ouais, t'as plutôt envie d'être animatrice ou des. Enfin... Bah, j'aime travailler sur les projets des autres, ça va être bien. Enfin, c'est bien parce qu'on n'a pas l'affect, parce qu'on n'a pas créé le projet. Et d'un autre côté, c'est bien parce qu'on rentre dans l'univers de quelqu'un, donc ça me plairait bien. Et puis, oui, après, ça va être porte à porte, essayer de rencontrer un maximum de personnes. Tu sens quelque chose qui pourrait te freiner là-dedans, ou pareil, comme Valentin, pour l'instant, t'es plutôt optimiste et tu te dis, on verra bien comment ça va se passer. Non, moi, je suis un peu... moi, justement, le fait que je vienne pas d'une grande école, je me sens un peu... je sais que ça va être route. Tu sens que c'est parce qu'il y a la possibilité de travailler sur des, je sais pas, dire à des gens, ben moi je vais travailler peut-être moins cher, évidemment, peut-être pas forcément devenir professionnel de suite, mais ça te plaît moins, ça t'intéresse pas forcément de participer sur des films avec pas beaucoup d'argent ou genre de choses ou. Bah pour l'instant l'argent, enfin ça va être une priorité alimentaire, mais j'aimerais bien, enfin si le projet m'intéresse, peu importe combien je serai payé. Rémi, toi, à part embêter les castors, en train de nous faire comprendre que les castors... Je vais continuer à les embêter. Voilà, c'est ça, doivent vendre le monde. Qu'est-ce que t'aimerais faire dans le monde de l'anime? Comment t'aimerais voir aussi le monde de l'anime? C'est ça un peu ma question. Ben, moi, je voudrais surtout explorer un petit peu tous les métiers. J'ai le sentiment à Paris 8 qu'on n'est pas formé à un métier bien spécifique et que ça nous permet quand même d'aller un peu où on veut, vers la production, la diffusion. Là, je vais essayer de faire un peu de cours aussi, avec surtout des petits et des lycéens. Donc oui, je sais pas ce que je vais faire dans 10 ans, mais ça viendra au fur et à mesure, je pense. Paola, comment tu vois? Non, mais et puis comment Paola, à part faire un générique du prochain Twin Peaks sur pellicule grattée, est-ce que t'as non mais ce serait quoi le monde de l'anime au-delà des écoles, au-delà de ce que tu vas pouvoir faire? Qu'est-ce que t'aimerais toi faire et comment t'aimerais le voir ce monde de l'anime dans 5-10 ans? Bah, ce serait un monde dans le micro, pardon. Où les acheteurs n'auraient peur de rien. J'ai l'impression qu'il y a limite que ça qui bloque, parce qu'il y a plein de choses qui émergent de partout, plein de projets super intéressants, mais à chaque fois ils sont freinés par, par la peur de prendre des risques. Donc ce serait bien s'il n'y avait plus cette peur et qu'on pouvait quand même s'ouvrir à d'autres choses que ce qu'on a l'habitude de voir, et que le petit réseau de l'animation s'ouvre quand même aussi. Et qu'il y ait plus de communication entre ce monde fermé de l'animation où on connaît tout, on voit tout, et le monde extérieur qui se méfie un peu d'une animation qui serait pas que pour les enfants. Est-ce que d'être un peu pionnière et de se dire, après tout, je vais pas passer justement par Arte parce que, ou Canal, je dis une chaîne parce que je parle même, là je dis les chaînes qui sont presque les plus courageuses, entre guillemets, pour faire ce genre de choses, et se dire tant pis, je vais passer, je vais gagner encore une fois, on sait bien que l'argent est toujours le nerf de la guerre, on va pas se cacher les choses quand même, et se dire tant pis, c'est pas grave, mais j'aimerais que cette série-là, je veux la faire comme Zé Clément, ou mon court-métrage, je veux le faire jusqu'au bout, je vais changer, parce que des fois, mais il y a plein de choses que je ne veux pas changer. Tant pis, je serai moins payé, mais je vais passer en gagnant 4000 euros sur Internet, enfin voilà, en essayant d'avoir des souscriptions, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou Pour l'instant, vu que je suis. Vu que je dépends encore de mes parents et tout ça, forcément, je me dis que je pourrais moi-même prendre le risque de faire des choses et de pas forcément trouver acheteur, mais bon, si. Si au bout d'un moment je me rends compte que je ne peux pas gagner de l'argent, il faudrait aussi que je trouve d'autres solutions. Donc c'est un peu le cas de tout le monde, d'alterner après entre du vrai boulot et ses projets dans sa cave ou pas dans sa cave avec des copains. Léa, pareil, toi t'as encore un bout de temps avant. Moi j'aimerais bien que le cinéma d'animation se diversifie un peu, que on prenne une technique du cinéma d'animation pour ses qualités ou pour ses défauts d'ailleurs, mais en tout cas pour une raison, une qualité, plutôt que parce que c'est un phénomène de mode ou parce que voilà, avoir un peu des films qui se disent waouh, je vais mettre de la 3D parce que j'ai pas la foi de faire tourner la caméra, ou alors waouh, je vais faire du papier découpé parce que fuyant dessin, voilà, quelque chose qui se débride un peu à ce niveau là pas avoir des Pixar qui font de... Bon, c'est un peu utopique, je crois que je suis la plus utopique du groupe, mais des Pixar qui font de la peinture animée et... Mais t'es plutôt dans l'idée même du long-métrage, est-ce que... parce que tu parlais tout à l'heure de court-métrage, est-ce que d'un seul coup, alors là, plutôt par rapport à ton école, on sait bien, quand je dis chercheurs de tête, sont plutôt des gens qui viennent de studios de long-métrage, en tout cas qui font beaucoup de long-métrage, est-ce qu'il y a quand même l'idée d'un seul coup d'amener, je sais pas, l'image de synthèse vers autre chose, comme un David O'Reilly peut le faire, enfin, qu'on aime ou qu'on aime pas d'ailleurs ces gens-là, mais l'amener comme ça, il y a des envies ou pour l'instant t'es dans un graphisme qui te plaît bien aussi, il y a pas de tu veux rester là-dedans ou c'est trop tôt peut-être, ma question. Je pense que ça dépend pas en tout cas pour moi c'est pas long ou court, c'est avec qui et quand plutôt que long ou court. Je pense que c'est route, on va se débrouiller avec ce qu'on a. De toute façon je pense que c'est un milieu où tu te débrouilles forcément avec ce que t'as, t'as pas trop le choix pour ça, donc... J'ai l'impression presque d'un... Je sais pas, de... Ouais, non, d'une différence là-bas, par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, où on dit non, il faut des réseaux, il faut des choses comme ça. Aujourd'hui, les choses sont de plus en plus carrées, il faut des acheteurs, etc. Et là, ces routes, on verra bien, j'ai l'impression. Mais c'est parce que ça. Dans une école, en tout cas pour mon cas, dans une école où on te vend le réseau comme étant la clé de voûte pour vivre plus tard, justement, j'ai envie de m'en aller, de m'en écarter le plus possible pour éviter d'être pollué. Donc, oui, ça sera route. C'est presque une envie, en fait, de voir ce qui se passe quand c'est route, quand on. Oui. Vas-y, finis Léa. Quand on te file, toutes les clés pour faire quelque chose, mais sous un espèce de garde-fou, comme ça, ça donne envie justement de s'éloigner le plus possible pour voir un peu ce qui se passe quand on n'est pas dans ce bain-là. Rage Against the Machine. Ouais, Clément. Non, ouais, mais c'est juste. Mais en fait, je pense que le réseau, c'est hyper vrai ce que tu dis. Et je pense en fait, ça, le réseau, dans tous les cas, doit rester, mais ça dépend après de. Quel réseau tu vas utiliser pour telle ou telle production. Là récemment il y a les petits copains danois qui ont kickstarté The Reward et ils ont réussi donc à faire cette série adolescente et mature, enfin très immature dans le principe, mais mature pour la télé, puisqu'il y a beaucoup de poitrine et de grosses références. Mais moi, je trouve ça. Enfin, voilà, j'adore ce truc, c'est fantasy, c'est. Voilà, donc je suis très, très client. Mais grâce au réseau de leurs fans et à un réseau, on va dire, peut-être un peu plus populaire et. Ou en tout cas, il n'y a pas des gens qui vont dire non, ça va plaire, ça va pas voilà. plaire. Ils vont directement justement en disant bah ouais, non. Et de la même façon aussi, il y a pas mal de deals qui se font avec des Netflix. Et je trouve que c'est vraiment génial, Netflix, pour le moment. On verra comment ça évolue, mais ils ont aucune... ils s'en foutent complètement, en fait, de l'audience, puisque tant que tu payes ton abonnement, tu regardes ce que tu veux. Donc, typiquement, leur intérêt à eux, c'est simplement d'avoir le catalogue le plus large possible, avec n'importe quel film, série, qui va être un appel pour un prochain abonné. Pour eux, c'est bien. Il leur faut juste un ticket d'entrée. Donc, si tu as envie de voir Breaking Bad ou que sais-je, tu vas aller sur Netflix et tu vas rester pour regarder le reste. Même si Netflix, pour l'instant, par exemple, dans l'animation aux États-Unis, sont plutôt liés à DreamWorks. Oui. Et que sur les petits studios, pour l'instant encore. Ils sont sur des grosses machineries, etc. Mais à terme, je pense que c'est quand même une façon de distribuer qui est intéressante, puisqu'il n'y a plus de question de grille ou d'audience, mais simplement essaye d'avoir le catalogue le plus large possible pour attirer le plus de personnes. Donc c'est une solution que je trouve assez intéressante. Marie-Lou, quand Alain Sad, on veut révolutionner le monde de l'anime, et on va dire, on va voir. Il y a une petite révolution, enfin, avec plein de révolutions, mais il y a eu Babouchka qui était venu ici, qui était venu, un collectif très très important aujourd'hui, en tout cas qui a réuni beaucoup de monde et qui est sorti. De l'ENSAD, toi, tu vois comment le monde de l'anime ? T'aimerais qu'il soit comment ? D'accord. Bah, j'ai eu une autre vision là, cette année de l'animation, parce que j'ai l'impression que, vu que l'animation, c'est un petit secteur quand même des arts déco, dont on parle moins à l'extérieur, je pense que les gens qui connaissent les arts déco ne connaissent pas la filière animation, autre que les animateurs. Et donc, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient l'animation dans l'école, pour dans d'autres filières, qui utilisaient les ateliers ou des projets en partenariat avec les objets. Et donc, et parallèlement à ça, il y a eu des invités cette année durant des conférences qui étaient accessibles aux gens de l'extérieur, où des anciens élèves ou des professionnels venaient présenter l'animation, mais pas forcément des gens qui en font leur métier dans des studios. Ou par exemple, il y a eu un plasticien qui avait commencé à utiliser l'animation. Où on a eu vraiment des profils différents. On a eu un mec qui venait de Microcinimage, qui est une très grosse boîte, à côté du réalisateur de Le Sens du Toucher. Jean-Charles Mbotsimalodo qui était venu. Donc voilà, on a eu vraiment des profils très différents. Quelqu'un qui venait animer des robots. Et donc cette vision des choses, ça m'a permis de voir qu'il n'y avait pas que juste les studios, qui était ma vision en DMA, donc de rentrer dans un studio dont la direction me plaisait. Voilà. Donc l'idée aussi, ce qu'on disait du pas forcément toi, mais ou alors je sais qu'il y a le motion comics qui arrive de plus en plus. C'est-à-dire y a l'animation est utilisée dans plein de sites finalement, de faire de la scénographie, travailler avec un scénographe ou une scénographe par exemple, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Bah oui, bah d'ailleurs j'avais une proposition de stage pour faire du mapping et donc je n'y connais rien du tout, mais ça me semblait être une très bonne opportunité pour découvrir d'autres envies. Et donc c'est comme ça que j'envisagerai ce que je ferai plus tard, c'est d'avoir des espèces d'opportunités dans l'animation qui ne sont pas que dans des studios. Voilà. Ah, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, l'émission d'après peut commencer à préparer son générique dans 3 minutes. Nous allons essayer, mais évidemment, on était obligé de terminer par Furiosa qui est venue. Pourquoi d'ailleurs, pourquoi Mad Max finalement plaît ? C'est que quand on regarde la fin du générique, finalement, il y a assez peu d'animation de synthèse et on retrouve quelque chose d'assez. Enfin voilà, des effets presque mécaniques. Donc je sais, voilà. Qu'on l'a vu ensemble et qu'on avait aimé ça aussi pour ça. Est-ce que toi tu vois comment le Fury Animation Road? J'ai essayé. Mon Dieu. J'allais rebondir directement sur ce que disait Marie-Lou. Mais eh ben c'est très bien. Rebondis directement sur Marie-Lou. Sur le fait de faire de l'animation en dehors de chemin de l'animation comme on les connaît. Moi je crois que j'ai été assez impressionnée en fait de l'initiative qu'a eu Flavio Pérez en montant Caravelle Collective, qui a bossé pour mettre la thune de côté pour pouvoir proposer à des gens de formations différentes, de compétences différentes, de se retrouver tous pendant un an comme dans pour faire un atelier ouvert en fait, sans avoir d'idée précise de ce qui allait découler de cette chose-là, mais juste de se dire qu'on se mettait pendant un temps donné dans un contexte d'émulation. Où tous on était dans un échange, enfin, où les gens étaient dans des échanges de compétences avec des conférences pour pouvoir, tu sais faire un truc, apprends-moi, moi je te montrerai autre chose, et de monter des projets hybrides comme ça, et notamment, apparemment, un spectacle que moi j'ai pas eu la chance de voir, mais monté avec Peter Vaz, qui est. Peter Vax et Joseph Wallace. En effet, qui avait l'air assez hybride et qui était, que je trouve vraiment super intéressant. Donc, moi, mon rêve, ce serait d'avoir des espaces comme ça d'émulation. On peut se retrouver entre différentes personnes qui ne font pas forcément de l'animation, mais juste pour voir ce que ça donne de mixer des gens ensemble qui font des choses complètement différentes et se laisser cet espace-là d'expérimentation pour voir ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup les 19h, on va arrêter, c'était évidemment trop rapide. Merci infiniment à tous d'avoir tenté d'aborder encore une fois cette idée du futur de l'animation. On se retrouve en juillet car le prochain n'était pas en Annecy, donc on l'a pas, mais on se retrouve en juillet, on fera une émission sur ce thème-là. Merci beaucoup à tous, à très vite, bye bye.